Grosse annonce, attention. Attention. Vincent, est-ce que je peux avoir un décompte, s'il te plaît? À partir de 7,5. 7,5. 7,4. C'est beaucoup trop. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bonne Franquette. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Cette semaine, on a encore été élu meilleur podcast de France par le concours de l'univers. Meilleur de l'univers, ouais. Oui, alors attendez, j'ai pas fini ma phrase. Ah, ok, pardon. Encore meilleur podcast de France par le concours du meilleur podcast de France, qui, je le rappelle, est tenu par Gérard Jugnot, Gérard Depardieu et Squeezie. Big up, Lucas, on t'adore. Yes. Et meilleur podcast de l'univers par nous-mêmes. On s'est élu nous-mêmes. Ouais, et ouais. Ça, c'est important. Mais les juges n'ont pris aucun parti. Hein. Non. On est dans la neutralité la plus totale. Telle la Suisse, en ce sens. Exact. Nous adorons l'argent et le chocolat. Alors, nouvel épisode. Surtout l'argent, bien sûr. Et le chocolat. Et le chocolat. Les deux, d'accord. Nouvel épisode, encore plus spécial toujours, c'est de plus en plus spécial, c'est de mieux en mieux. C'est pourquoi pour ça qu'on est le meilleur podcast. C'est pour ça qu'on est le meilleur podcast, installez-vous bien, on est posé, on est tranquille. D'ailleurs je vais me remettre un petit peu tranquillement. Posé, sous Jack, dans mon bendo. On est là, j'ai envie de dire. Et pourtant on n'est pas au chômage, attention. Aujourd'hui on reçoit une youtubeuse surprenante, une meme lord, j'ai envie de dire. Ouh. Bonjour Alexia. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Eh bien, ça va, Vincent. Moi, ça va très bien aussi. Ça va très bien. Vu qu'on va manger des crêpes après, moi, ça, ouais, moi tout me va. Tu spoil le repas. Merde. Et merde. Du coup, on a tous extrêmement envie que ce podcast, ce fichu podcast passe, c'est qu'on clair. Puisse se délecter. De crêpes rouges. Exactement. Parce qu'on a mis du colorant rouge dedans. Pourquoi? Alors, Alexia, qui es-tu? D'où viens-tu? Et surtout... Voilà, c'est tout. Oui, c'est ça la question. Donc, je m'appelle Alexia, j'ai 20 ans, je fais des études en diététique et j'ai une petite chaîne YouTube depuis très peu de temps qui s'appelle À l'exception pour les Français et À l'exception pour ceux qui préfèrent l'accent un peu ricain. Waouh. J'ai envie de dire, on voyage déjà. Ouais. Et du coup, pour la réponse à ma dernière question. Nice, ça me convient. Ouais, ok. Aujourd'hui, nous allons parler de voyage. Voyage, voyage, plus loin que la vie et le jour. Et après, j'ai oublié les paroles. Mais du coup, avant ça, petit rituel, bien évidemment. Avant toute chose, on est le vendredi 13 septembre. Donc, il est possible que ce soit un podcast durant lequel nous gagnons au loto ou nous mourions. Voilà, c'est assez aléatoire. Il y a une chance sur deux, on verra bien. Selon ce qu'on croit, en fait. Exactement. Mais avant toute chose, c'est le retour de Rap ou pas Rap, qui fête encore son anniversaire aujourd'hui. Oui. Wow. Pour deuxième la troisième anniversaire fois. De Rap ou pas Rap. Ouais, deuxième anniversaire, troisième fois qu'on fait le concept, deuxième anniversaire, alors qu'un chat vient de débouler toute berzingue à l'intérieur de l'appartement. Pour choper à la mouche qui s'était infiltrée. Une mouche invisible, visiblement. Bah puisque, non, regarde, non il est en train de la... Et il la mange, là, il la mange. C'est oui, bon en protéines, hein, on le... il l'a recraché parce qu'il a aucune manière. Alors... Du coup, Rap ou pas Rap qui est encore altéré cette fois, ce n'est plus l'essence même du jeu. À chaque fois, il change. Je ne sais même pas pourquoi ça continue de s'appeler Rap ou pas Rap, ça change à quoi. Là, c'est pop ou pas pop. C'est pop ou pas pop, puisque ça sera la dernière fois, malheureusement, on ne s'était pas concerté. Et c'est vrai qu'on avait fait un Rap ou pas Rap sur Booba. Et malheureusement, Lisa n'était pas trop au fait du duc de Boulogne, ouais. Comme on l'appelle Cop. Elle ne connaissait pas ses sons, malheureusement. Exactement, donc c'était compliqué pour elle de participer. C'est pour ça que cette fois, j'ai choisi de faire un Rap ou pas Rap qui est axé sur la pop et uniquement des femmes. Mettons les femmes un petit peu à l'honneur. C'est bon. Et histoire de donner un petit peu des indices, puisque la pop, c'est quand même un genre qui est diversifié avec de très nombreux artistes. Ce sont uniquement des femmes américaines. Ok. Ce qui veut dire que les... Ah non, il y a une anglaise. La toute dernière, c'est une anglaise. Ophélie Winter. Alors, bravo, tu gagnes le jeu. Yes. Franchement... Okay. Bah, on peut mettre fin au podcast. Non, du coup, effectivement, ce ne sont que des femmes américaines. Donc, les lyrics sont traduits. Ok. Quoi? Mon grand hobby de manière mais un petit peu comique, jamais. Comme toujours. Alors, tu verras, c'est extrêmement simple. Si vous voulez, je peux un petit peu les mimer à chaque fois, mais pas trop parce que j'ai honte. Alors, nous allons commencer tout de suite. Juste avant que ça commence. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas trinquer? Et on trinque. Alors, à quoi on trinque? On trinque déjà aux 1000 vues qu'on a faites sur YouTube. Ouais, exactement. Ça, c'est un truc. On vient de passer. Et à ta chaîne YouTube, du coup, Alexia. Oh, merci. Santé. Santé. Mon ami. Toujours zéro alcool dans ce verre. Hein. Ouais, non. Surtout que c'est le deuxième. Alors, première. Première artiste. Donc je le rappelle, si vous trouvez le nom de l'artiste, c'est 0,5 points. Si vous trouvez le titre, c'est 9000 points. Ouais. Je pense que la thérapie de shopping est ma nouvelle addiction. Celui qui a dit que l'argent ne peut pas résoudre tes problèmes ne devait pas en avoir assez pour tous les résoudre. C'est Cardi B. Pas du tout. C'est Nicki Minaj? Non, je rappelle, c'est de la pop. Hein. Bah, c'est de la pop. C'est plus du rap. Plus rap, rap, ouais. Ok. Il y en a des poils sur le micro. Non, moi je dis c'est pas pop. Alors, non, tous, ils sont tous pop. Okay. Là, pour le coup, ils sont. Ah, il n'y a pas de truc inventé. Ouais, ouais, je me suis dit, déjà, c'est vaste. Alors, si en plus je mets des pièges. Effectivement, il y a des pièges. Quoi? Non, non, Céline Dion. Non. C'est une artiste de vraiment de ces dernières années qui a commencé sur Disney Channel, comme beaucoup d'entre elles. Miley Cyrus? Non, c'est dans la même veine, c'est une femme délicieuse. Dans le sens. Anna Montana? Non. Qui est Miley Cyrus? Non. Elle porte le nom. Justin Bieber? Elle porte le nom de la conquête spatiale ainsi que de la grandeur de la femme. Ariana Grande. Bien joué! Yes. Elle a commencé sur Nickelodeon. C'est vrai? C'est vrai? J'avais oh my pas bad. La bonne franquette, le premier podcast sur les fake news. Bah voilà, si t'avais dit ça, moi j'aurais trouvé. Je suis désolé. Du coup, tu gagnes 12 000 points. Merci. Pour m'avoir corrigé. Quoi? Et toi, du coup, vu que t'as trouvé, quand même, 0,5 points. Et ça, c'est bien joué, Vincent. Mais quoi? Bien joué. Donc 0,5, 12 000. C'est serré, hein, toujours, les épisodes chez la franquette. Bah, est-ce que tu as le nom? C'est un des titres les plus récents qui a le plus marché. Un poco loco. Alors, non. Tu l'as peut-être? Seven Rings. Bien joué. Ouais. Seven Rings. Encore 9 000 points. Ouais, donc t'es à 21 000 points. Merci. Et moi à 0,5. L'écart se creuse. L'écart se creuse. Je vais essayer de remonter, mais wow, là ça va être dur. L'écart se creuse. On pourrait aussi dire dans le cadre d'un mafieux corse, le corps se creuse parce qu'il vient de tuer quelqu'un et du coup il creuse une tombe. Le corps se creuse. Ouais. L'écart se creuse. Ah, les Corses, la mafia. J'adore la poésie. Alors ensuite. Dansons jusque la nuit s'en aille, attrape quelqu'un, bois un peu plus. Alors, la la la la la la la la la la la la la la. Ce soir, on sera sur la piste de danse. C'est un des plus gros hits. We will be on the dance floor. Alors, il y a t'as la moitié du titre. Il faut que t'enlèves dance floor. Alors We will be. Non, c'est dans le... Non. Be. The. W. Non. Alors, c'est une femme on qui... On the floor. Bien joué. Yes, de Jennifer the floor. Lopez. Donc, tu gagnes 9000 points. Yes. 9,5 de Jennifer. Yes. Bien joué, Jennifer Lopez. G-Lo. G-Lo, on la connaît bien. Qui doit me rappeler, puisqu'on a passé une nuit torride, je le rappelle. Rappelle-moi, s'il te plaît. Ne me ghost pas. Hein. On s'en souvient. Alors, donc, 9,5 points. Ah non, 9001 points, vu que t'as trouvé en plus l'artiste. 9001 points, ouais. Et du coup, c'était combien 21 000, non? Quoi? J'ai oublié que c'était autant. Et pour avoir oublié le montant, je te rajoute 9000. Ah, quoi? 30 000 points. Non, mais il n'est pas du tout logique. Et Vincent, je te rajoute 40 000. C'est vrai? Ouais. Donc tu passes à... Putain, c'est hyper logique, ce 49 001 points. Et toi, 30 000. T'es repassé en tête, Vincent. Bien joué. Par contre, tourne ton téléphone parce c'est que vrai? Je suis trop tenté. Oh là là, mais baiser. C'est bien. C'est des gens honnêtes. Goldbond, vous avez fait le coup aussi. Vous êtes des gens honnêtes. Ça fait plaisir. Moi, je le vois dans la vitre là-bas. Donc c'est impossible. À moins que tu sois... Spider-Man. Arrête avec ça. C'était la ref? Oui, il y en a une. Alors, Alexia, ça fait trop plaisir parce qu'Alexia est une fervente auditrice et spectatrice de ce podcast, puisqu'elle connaît souvent nos refs et tout, ça fait plaisir. Ouais, genre. N'hésitez pas à nous envoyer des colis et de l'argent par la poste. Alors, n'ai vraiment jamais su qu'elle pouvait danser comme ça. Elle donne à un homme l'envie de parler espagnol. Comment tu t'appelles, ma belle? Ma maison est ta maison. C'est Chiquita. Alors, pas du tout. Ma... My house is your... Sachant que je triche, c'est la musique d'une femme, mais ce couplet, enfin ce couplet, ces quelques bonnes phrases bien senties sont d'un homme. Excuse-moi. Ah. Est-ce que c'est elle est avec Pitbull? Alors non. Mais le même genre? Je crois que le chanteur en lui-même est moins connu, okay. Sachant que c'est une femme qui a fait un son. Et là, ça va se jouer à la rapidité pour la Coupe du Monde. Shakira. Bien joué. Et c'est Waka Waka. Non, c'est Hips Don't Lie. Ah non, j'aurais pas trouvé. Mais c'est Hips Don't Lie. Ouais, ouais, non, okay. Je sais pas. Donc 0,5 points, tu es donc à 40 005. Ce qui est pas mal. 40 005. Ouais, ça passe. Belle, ça belle perf du joueur français. Merci beaucoup. Alexia, toujours à 30 000, pas trop déçu de cette prise de retard quand même. Ouais, c'est un peu dur quoi. Aïe aïe aïe. T'es pas en forme ce soir. Hein. Ah non, dur. Malheureusement. Je parle de vœux de champagne, de rêves de caviar, tu ne mérites que les choses les plus raffinées. Maintenant, le monde entier ne sait pas quoi faire de nous. J'ai assez d'argent dans la banque pour tous les deux. C'est une femme qui faisait partie d'un groupe de rappeurs poppers, j'ai envie de dire. Dont faisait partie un indien dont tout le monde s'est toujours foutu. Parce qu'on n'a jamais su son nom et c'est devenu un gimmick. Les gens disaient l'indien de... Nanana. Ah, mais sans être raciste ou quoi, c'est juste qu'on connaît tous les membres du groupe, sauf cet homme qui... Les Black Eyed Peas. Exactement. Ouais, j'allais dire ça, mais l'indien des Black Eyed Peas. Je vois pas duquel. C'est vrai? Ouais. Bah, c'est celui qui est indien, en fait. Merci. Bah, l'indien, là. Non, mais il a des traits amérindiens, plutôt. Ouais, ah oui, ouais. Et tu vois qu'il a les longs cheveux et tout. Et personne ne sait qui c'est, en fait. Ça se trouve, c'est un technicien, tu vois. Et personne n'a... Voilà. Mais par contre, j'ai pas du tout le nom de la chanteuse. C'est Glamorous. Ah, non, c'est Glamorous, okay. Ça vous va? Dans le clip, elle sort d'un jet privé et tout ça. Mais c'est son nom, Glamorous? Ouais. Ah, okay. Enfin, c'est Fergie. Hein. Ah merde, t'as dit le Black Eyed Peas. Donc je viens de donner la réponse. Oui. Si vous la répétez, vous avez le point. Fergie. Bien joué. Peut-être le titre de la chanson aussi. Glamorous. Waouh, 9005 points, c'est incroyable. Quelle remontée de la joueuse française. La qui... remontada. Exactement, la remontada là, hein. Qui cette fois-ci est bien utilisée. Oh. Puisque je rappelle une référence au football, j'adore. Attends, quand est-ce que vous pouvez faire une référence à Spider-Man, s'il vous plaît? Quand j'en fais en off, ça ne te fait ni chaud ni froid, mais ouais. Quand c'est une femme, bien évidemment. Bah, oui, Qui peut me résister, quoi. Quel charme. Ouais, oui. Qui peut me stopper, j'ai envie de dire. Ouais. Qui peut me stopper. Est-ce que quelqu'un peut faire une référence à Spider-Man, s'il vous plaît, très rapidement? Oh là là, je suis l'araignée sympa du quartier. Oh yes. Ah, j'adore ce podcast. Et en bonus, elle dit dans la chanson... Plus, I gotta keep enough leeches to support your shoe fetish, ce qui veut littéralement dire. En plus, je dois garder assez d'argent, enfin de salade, pour subvenir à ton fétiche des chaussures, puisque lettuce ici veut dire salade et du coup argent. Voilà. Je trouvais ça marrant, okay. Garder assez de salade pour subvenir au. Mais les paroles des musiques américaines sont souvent. Pas ouf, hein, ouais, en général. Ouais. J'ai l'impression qu'en France, on est un peu plus regardant là-dessus. On est quand même le pays de la littérature. Hein, ça va, toi? Oui. Allez, alors. La littérature, c'est ce que tu voulais dire. Est-ce qu'il y a eu Victor Hugo en Amérique, par exemple? Bah pas. Non, il n'y a pas eu. Victor Hugo? Non. Bah non. Est-ce qu'il y a eu Baudelaire? Non. Baudelaire. Non, ça, c'est un texan, ça. C'est un texan Baudelaire. Alors, je vous promets, c'est pas l'alcool, hein. Peut-être un peu en vérité. Alors, du coup, 39 005 points, ouais. Contre 40. T'étais à combien? J'ai trouvé quoi là? J'ai trouvé quelque chose. Non, sur Fergie Glamorous, t'as rien trouvé. Non, c'est vrai. Si, j'ai trouvé le Black Eyed Peas. C'est vrai? Qui n'était pas une réponse. Ça fait 0,25 points. T'as trouvé un indice? Allez, je te donne 0,25. Oh yes! Mais ça ne m'aide pas dans ma quête de savoir à combien de points tu étais. J'étais à 40 000. Bah, là, je suis à 40 000. T'étais à 40 001, non? Ou 40 002, je sais plus. 40 005, donc là, je suis à 40 075. Ok, belle perf. Ouais. 40 000, virgule 75. Oui, virgule 75. Ensuite, le dernier. Le dernier. Le dernier extrait. Ah, ok. C'est pas forcément ouais, toi. Joué. Molière. Alors, attention, une de mes chansons qui me tient à cœur. Car Voilà, c'est tout. Britney Spears. Exact. Dans la chanson, je fais un striptease pour toi. Non. c'est la fin. Retiens ton souffle et compte jusqu'à 10. Sens la terre bouger et ensuite entends mon cœur palpiter à nouveau. Cette fois, c'est la fin. Je me suis noyé et j'ai rêvé de cet instant. Cela fait trop longtemps. Je le leur dois. Balayé, je me dérobe. Alors bien évidemment, c'est une traduction plus ou moins littérale, mais la poésie est là. C'est et le plaisir Céline aussi. Dion. Le plaisir aussi, et non, ce n'est pas Céline Dion. Est-ce que c'est... Qui n'est pour là ? Elle est pour là aujourd'hui. Si es-tu là, Céline Dion ? Bon, non. On pourra bientôt manger une poutine à Strasbourg. Hein. C'est vrai. J'ai vu un restaurant de poutine va ouvrir. Ouais, apparemment. Apparemment, ça coûtera excessivement cher pour ce que c'est. Alors, d'ailleurs, mais, en tant que nutritionniste, diététicienne, régimologue, Attends, mais t'as été absent là. je repense à il y a 6 ans. oui. Ref à l'épisode d'avant avec Goldbomb. Non, c'était avec Lisa ça. Non, c'était avec Goldbomb. Et... Ah ouais, c'était avec Goldbomb. C'était avec Goldbomb, bien sûr. Vous me faites douter. Ils me font douter, les salauds. Les salauds, enfants de salauds. Toi-même, boys to men. Diggity, non, pardon. Référence à Mystery. McWalter 3, ouais. Alors, est-ce que vous l'avez ? C'est une chanteuse britannique. Qui est Adèle. Bien vu, 0,5 points. Par et contre, attention. Je suis censé la connaître. C'est Skyfall. Bien joué. Yeah, je savais que c'était Skyfall. C'est du bon de mon pote. Daniel Craig, je t'aime. Je t'aime, Daniel Craig. Bah, j'ai un vocal de toi qui atteste que tu aimes Daniel Craig. Et je suis absolument pas homo, mais Daniel Craig. Bah, dis donc. Non, Daniel Craig, je. Bah, Daniel, si tu nous écoutes, voilà, il y a moyen. Tu as une place privilégiée. Tu as une touche. Bien plus que ça d'ailleurs. Non, du coup, bien joué Skyfall. Merci beaucoup. Donc c'était le dernier, ça. C'était le dernier. Ça passe vite quand on s'amuse. Mais du coup, je suis à 49 075. Mais je crois que t'es à 49 002,75 en réalité. Ah ouais, ok. Cela dit, pour le fait que tu as une chaîne YouTube qui cartonne, wow, tu gagnes un milliard de points. Ouais. Je pensais 1 milliard d'euros par mois parce que t'as une chaîne YouTube. Oui, ouais. La YouTube monnaie, on vous connaît. Ouais. Rendez l'argent, bande d'enfoirés. Alors, non, en plus, j'espère que ça nous arrivera un jour aussi. Donc, vive. C'est clair. De rendre la monnaie. Non, de la garder. Non, de la garder. Justement. Sinon, comment je pourrais aller m'acheter une veste et repartir avec une télé. Allez, bon, tu n'as pas besoin de ça. Alors, du coup, félicitations pour avoir gagné. Ah, merci. Ça fait plaisir. Mmh. Merci. Bravo, j'ai rien pu faire. Tu remportes, j'ai rien pu faire. Félicitations, on n'a rien pu faire. Félicitations, tu remportes cette fabuleuse paire de lunettes que je vais te reprendre merci. À la fin de l'épisode, merci. Car j'y tiens en réalité. Magnifique. Vincent, on est à combien ? Attends, 5 minutes 25. Ok. Donc, moi, j'ai une belle transition là. Oh, attention. Alors, on parlait d'une chanteuse londonienne qui a fait un titre, Skyfall. Pour donc James Bond, M6 à Londres et tout. Exact. On va parler voyage, on part à Londres bientôt. Oui, c'est vrai qu'on part à Londres du 16 au 20 octobre. Yes. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas la bonne franquette à Londres ? Ah ouais ! Ça serait lourd de fou. On invite des. Non, je parle pas. Avec des fish and chips. On invite Daniel Craig, je le connais. T'es vrai. Non, c'est faux. Mais t'invites Adèle ? Adèle, oui, bien sûr. Hein. On est toujours dans la francophonie. Alors, pas du tout. Mais la limitrophie, peut-être à la guerre, j'en sais pas. Bon, allez. Non, mais un podcast. La bonne franquette à Londres. On essayera de tourner devant Big Ben. Alors, à Londres ou au soleil ? Parce qu'il y a peu de soleil à Londres. Hein. Ouais, bah, il va nous pleuvoir dessus. Est-ce qu'on reste à Londres, du coup ? Il nous pleut dessus à l'intérieur. Attends, il y a un toit, je comprends pas. Là. Non, c'est possible. Parce qu'on est à Poudlard en fait. Bien sûr. C'est vrai, bien sûr, toujours. Poudlard, c'est censé être où en fait ? Ah, bonne question. Ça vient dans un coin. Ça doit être un truc genre. Bah non, parce que il passe à travers la voie. Donc c'est dans un autre monde carrément. Il passe à travers la voie. Puisqu'ils arrivent à être dans le monde des humains. Ouais, mais il repasse par la voie de chemin de non, fer. Non, bah non, parce que quand il s'envole avec... Bah alors c'est à Londres, parce que la gare elle est à Londres, je crois. Putain, bonne question. Est-ce qu'ils reviennent directement... Quand ils viennent en voiture là, avec Ron et tout, ils partent du monde des humains, mais ils arrivent à Poudlard, donc ça veut dire que c'est possible, physiquement. Et écoutez, on va mettre une équipe sur le problème et dans une semaine, on reviendra vous donner la réponse. C'est vrai. D'ici là, excellente transition, mon cher co-host. Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres talents dans ta manche ? Alors que je rappelle que tu n'as pas de manche. Je sais danser. Oh, super bien. Petite démo dans 3, 2, 1. J'ai envie de me crever les yeux. Voilà. Si jamais vous voulez m'embaucher dans une équipe de danse. Si vous êtes Kamel Wally, il est disponible. Je suis dispo tous les jours de 23h à 23h02. 23h02 uniquement. Oui. Oui, il faut ce qu'il faut. Ouais. Alors, le voyage, et j'ai envie de commencer par toi, Alexia. Mm-hmm. Déjà parce que honneur aux dames. Et deuxièmement, parce que t'as beaucoup voyagé récemment. Ouais, c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai pas mal voyagé. Je suis partie à Venise, donc juillet. Les pizzas. Les pâtes, les glaces. Bien sûr. Gelato. Ouais, exact. Mais apparemment, Venise, c'est très, très touristique. On en fait vite le tour. Franchement, Venise, c'est hyper touristique. Et nous, on était partis 5 jours donc avec Marie, une amie à moi. Et c'était vraiment trop, trop long. Il faut partir maximum 3 jours. Shout-out Marie. On peut dire son nom de famille ? Oui. Parce que Marie, elle va en championnat d'Europe. Donc, est-ce qu'on peut dire personnalité publique ? Alors, on ne dit pas son nom. On ne dit pas. Mais shout-out Marie qui va au championnat d'Europe d'haltérophilie, yes, s'il vous plaît. Bien joué. Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Oui. Excellent perf de la joueuse française. C'est et vrai, pour le mais coup, pour le coup, ça fonctionne. Mérité. Yes. Donc, pas plus de 3 jours à Venise. Ouais, pas plus. Alors, est-ce que pour des gourmands qui veulent manger dans tous les restaurants, ça risque d'être juste quand même. Bah, étant donné juste, qu'on ouais. peut manger chacun 2 pizzas par repas. C'est vrai. Le théorème de Pythagore, Vincent, tu le rappelles ? C'est ça, ouais. En fait, il faut prendre le nombre de personnes, multiplier par 2 pour arriver au nombre de pizzas voilà, par personne. C'est 2 pizzas par personne. Minimum, hein, minimum, minimum, sinon ouais. vous n'êtes pas des vrais. Exactement. Très mauvais en maths, vous allez rater votre bac. Les nuls. Loser. Alors, du coup. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte sur Venise ? Ben, un petit peu. Comment ça se passe ? Ben, les gondoles au soleil un bio. Un petit peu Venise. Non ? Alors, déjà, les gondoles, est-ce qu'on peut parler du prix ? Alors. C'est 80 euros 30 minutes. Mais c'est ce que tu me disais, les gondoliers, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, se font énormément d'argent. Je crois qu'on dit les, ah je oui, crois qu'on dit les escrocs. Énormément d'argent. Je crois que c'est par année, je crois que c'est 100 000 euros, quelque chose comme ça. Ah ouais, quand même, 100 c'est cas. C'est énorme. C'est pour pas le, mal. Hein. Pour le travail qu'ils font, j'ai envie de dire, non, quand bah, il fait chaud, franchement. Ouais, mais attends. Ouais, non. Mais travailler dans une usine au Bangladesh, ça c'est dur. Faire piloter, naviguer une pirogue à Venise, excuse-moi, mais. Ouais, c'est clair. Non, mais ouais, j'avais entendu de Bruno Maltor, qui est aussi un youtubeur voyage, j'ai envie de dire, hein, qui justement disait que ouais, il gagnait 100 000 euros par an, et moi j'étais vraiment choquée. Mmh. Cela dit, c'est quand même. Le prix est. Alors. J'ai pas envie de dire, je ne valide pas ça, mais il est compréhensible dans le sens où c'est extrêmement touristique. Ah et oui. du coup, ça rapporte énormément d'argent. Ah oui. Et comme je le rappelle, on n'est pas payé à la valeur, au mérite, mais à la valeur. Et comme la valeur économique est extrêmement importante due au tourisme, ça explique pourquoi ils sont payés autant. C'est vrai. Bah oui, sinon les caissières gagneraient plus que tout le monde. Et les agents d'entretien aussi. Mais ce n'est pas le mérite qui prime. Mais par contre, la coupure, elle prime. S'il vous plaît, pause de coupure dans 3, 2, 1. Hop, on se réinstalle. On est toujours dans le mood. Je vous entends plus. C'est vrai ? Non. Ouais. Non, c'est quoi une blague. Je te jure, je vous entends plus et je m'entends plus non plus. Quoi ? Ouais. Ah, attends, c'est normal, tu es débranché. Ah ! Shalot à tous les sourds qui nous écoutent. Alors. attends, mais ils peuvent pas nous écouter ? Bah, ils peuvent lire sur les lèvres. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Attends, mais. Ma mère a appris d'ailleurs le langage des sourds. Shout out à ma mère, parce que c'est très compliqué. Ouais. Et des Pourquoi sourds. Pourquoi elle avait fait ça ? Pour le plaisir. Parce que. Franchement, on devrait tous l'apprendre. Ouais, à l'école, je suis désolée, mais on devrait tous apprendre les bases. Parce que c'est hyper important de pouvoir communiquer avec les gens qui ont des handicaps. Donc, Exactement. Ouais. Exactement. Parce que ces gens-là, au final, se privent d'une énorme partie de la culture, étant donné qu'ils ne peuvent parler qu'à des gens qui sont au fait de ce moi je trouve que ce serait plutôt à eux de s'adapter c'est, à nous. Mais... C'est de leur faute, c'est de leur faute. Non, bien sûr. C'est assez terrible, mais je compte sur la science en tout cas pour réussir à faire des avancées majeures dans les années à venir, ce qui risque d'arriver étant donné que maintenant on arrive à créer des organes totalement artificiels. Ouais. Donc, par exemple, même le principe d'un pacemaker, c'est incroyable. Il n'y a pas. Ils ont c'est pas réussi beau, à recréer. Putain, mais c'est beau la science. Est-ce qu'on peut faire un applaudissement pour la science ? Bravo les S. Bravo la science. Oh putain, est-ce que Quentin a applaudi les S, ça fait plaisir. Oh non, je retire. Comme section. Alors non, en fait, c'est un troll dans le sens où quand j'étais au lycée Louis Pasteur à Strasbourg, franchement, les S qu'on avait chez nous étaient extrêmement prétentieux non, envers les autres filières. Mais n'importe quoi. Je te mec, je suis sûr que c'est pas vrai. Ça la S de merde. Ouais, ça c'est pas prétentieux. Non, moi je suis un ES parce que je suis un vrai. Non. Et non, franchement, les S qu'on avait chez nous, et, tu vois, ils étaient, on pouvait discuter avec eux, mais tu sentais ce truc de... Je suis un peu supérieur à exactement. Toi. Exactement. Et c'est extrêmement frustrant. Extrêmement mais, frustrant, dans le sens où... Enfin, moi, je m'en fous, tu vois, je voulais juste avoir mon bac, mais je me ouais. suis dit, ça n'a pas de sens. Après, est-ce que tu t'es pas demandé est-ce qu'ils ont raison, en fait ? Alors, si. Et après moult années de réflexion, avec les esprits exactement. Les plus brillants de cette planète... Tel Einstein, je le rappelle. Mais t'as pas connu Einstein, il est déjà mort quand il était déjà mort quand je suis Einstein. Né. Quoi? C'est faux. Je t'ai froqué. Ouais. Bien joué. J'y ai cru. Hein. Non mais voilà, du coup, on parlait de voyage. Et donc Venise, est-ce que t'as encore un truc à dire sur Venise? Non, pas spécialement. Moi j'aurais. Tu parlais du salaire des gondoliers. Alors moi, est-ce que c'est quand même sympa? C'est ça qui m'intéresse. Parce que le plaisir, c'est quand même la base de tout. Ah, moi j'ai pas fait les gondoles. C'est vrai? Ah ouais. C'était trop cher? Ah ouais, franchement. Ça se comprend. Trop bah cher. Ouais, 80€, 30 minutes, miskin. Tu peux faire un voyage à Londres avec ça. En fait, c'est surtout. Pour plusieurs que... jours, c'est vrai en plus. C'est surtout qu'en plus, là-bas, les taxis, c'est des bateaux. Donc au final, tu fais quand même du bateau dans Venise. Donc honnêtement. Attends, mais les taxis, c'est des taxis ou c'est des bateaux? C'est des bateaux-taxis. Attends, mais. Je crois pas, un taxi, c'est une voiture. Donc c'est une voiture ou un bateau? C'est un aéroglisseur. Un bateau. Donc c'est pas un taxi? C'est un taxi bateau. Waouh! Ah, les Italiens. Ils ont des roues et des bateaux jaunes quand même? Non. Ah merde. Des bateaux jaunes? Bah, ah, rapport au taxi. Mais tous les taxis ne sont pas jaunes. Par exemple, en France, on n'a pas, taxi pas de taxi jaune. Ouais, c'est vrai. C'est que l'Amérique, ça. Non, au Japon, il y en avait beaucoup aussi. Les Toyota Crown, si, quand même. Ah, moi, mais pas jaune pétante comme les taxis ouais, new-yorkais. Ouais, c'était plutôt blanc cassé un peu, non? Ouais, gris-jaune. Ouais. J'adore le Japon, putain. Alors... Moi, j'aurais une petite question. Oui. Est-ce que vous avez fait des rencontres sympas en vacances? Moi, on m'a dit que les Italiens étaient extrêmement chauds lapins, surtout en été. J'ai du sang méditerranéen. Shout-out. T'étais obligé de la placer. Cool. Mais j'adore la Méditerranée, il y a tout. On mange bien, il fait beau, il y a la mer, les gens sont chaleureux. Franchement, citez-moi un point faible de la Méditerranée. Bah, rien branler en bronzant, je trouve ça chiant. Ouais, attends, il fait trop chaud. Ouais. L'été, ouais. Ah, mais t'as la mer. Ouais, mais quand même. Ici, on n'a pas la mer, il fait 40 degrés. C'est sûr. Franchement. On a le Rhin. Waouh, on a Strasbourg plage. Ouais. Putain de merde. Et c'est nos impôts, ça, d'accord. pour faire des plages là. Sur, il y a du monde. Sur l'île là. Mais pour. Bon. Non, en vrai, c'est cool. Ça fait plaisir surtout aux enfants et ça, c'est important. Il faut décompresser. Ouais, non. Tu n'as pas de cœur. Alors, du coup, oui. Est-ce que vous avez fait des belles rencontres en vacances? Que ce soit en vacances ou même en colonie de vacances quand vous étiez petit, si vous avez des petites anecdotes par rapport à ça. Moi, j'ai fait zéro colonie de vacances. Restons sur le voyage. Parce que je te jure, mec... Colonie de vacances, bah, c'est vacances. Restons sur le voyage plus, j'ai envie de dire, volontaire, où on choisit d'aller. Parce que si on fait les colonies, les classes de neige et tout, ça commence à être... Ok, bon, ouais, bah, je dis plus rien, c'est bon. Mais oh là là, ça me fait plaisir. Alors... Quoi? Non, merde, mais... j'ai raté le fait de ne plus rien dire. Bon bah tant pis. Oh, le roi du silence, tu te souviens? Attends, t'étais sur le clip de Mismo ou pas? Il y avait un petit gosse qui parlait énormément. Et on a fait le jeu du roi du silence. Et on a gagné. Enfin, on a perdu parce que lui a gagné. Il ne parlait plus. Quel plaisir! Waouh! Quel plaisir! Ça, quel plaisir, pardon. Du coup, les fréquentations. On m'a dit que t'as eu 3 enfants quand même à Venise. Ouais. Comment tu les as appelés? Alfredo. Roberto. Et barista. Exact. Excellent au niveau du café. Une fois moulu en grain, cet enfant est délicieux. Alors. Ouais. Quoi? Non, du coup. Vous avez pu discuter avec des gens? Même en anglais, j'imagine. Tu parles italien? Non, du tout. Pas du tout? Mais non, pas du tout. Pas un mot, quoi. Bah, pizza. Ouais, pizza. Et voilà. Pasta. Franchement, c'est le sentier, gelato. Non oui. Gelati. Ah, on dit gelati? Mais je sais c'est plus quoi, gelati? Si gelati, c'est le glacier ou si c'est la glace. Je sais plus. Mais il y a un des deux. pour tous les Italiens. Les Italiens. Les Italiens. Et les Zouzous Italiens, hein, vous reconnaissez. Non, pour tous les Italiens qui nous regardent, envoyez-nous un MP avec de l'argent. Oui, c'est vrai. Et des pizzas. En fait, d'ailleurs, on le dit pas assez souvent, mais pensez à vous abonner au podcast. Exactement. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. On n'a pas envie de faire. On n'a pas envie de faire de populisme, mais c'est très important. Et il y a de plus en plus de gens qui nous partagent, qui nous likent, qui commentent. Ça fait grave plaisir. Non seulement ça fait plaisir, mais en plus ça nous aide à rencontrer de nouvelles personnes, à diffuser la bonne parole, parce que je vous rappelle, la bonne franquette, c'est la bonne parole. Quelqu'un t'a dit ce matin que, ou alors, hier, qu'on était charismatique. Personne ne me dit jamais que je suis charismatique. Merci cette personne. Ça. Alors, c'est un très bon ami, Charlotte Mathieu, il se reconnaîtra. C'est Mathieu. C'est Mathieu quelqu'un. Alors, Mathieu il nous a dit mec, vous êtes vraiment doué. Mec, la bonne franquette, ça défonce. Haha. Ça trahit en vrai. Il a dit haha ou ah. Ah. Ok. Ok. Ouais. J'ai jamais compris ce. Moi, j'ai toujours écrit AH. Ouais, moi aussi. J'ai vu ouais. Quand tu me l'as écrit aujourd'hui. Toi, t'écris HA. T'as écrit HA? J'écris HA. Moi, au début, j'écrivais HA, mais par pression populaire, j'ai fini par écrire AH. Non, parce que tu dis HAHA. Ouais, je sais. Bah ouais, mais tu dis un haricot en fait. Ouais. Donc le H, il a pas d'importance. C'est valable comme argument. Le H n'a pas d'importance. Là, donc ouais. tu dis pas Tiens, personne fait ça. Mec, tu imagines d'avoir une vision cauchemardesque où tous les gens qui rigolent font comme avec des yeux injectés de sang comme ça. Mais je crois que dans genre les BD et tout, il y a écrit haha avec un H devant. Ah ouais? Je crois, ouais. Et ben écoute, je suis pas sûr par contre. Ici, on est. Non, du tout... non mais c'est possible, ah, hein, c'est possible. Mais je suis pas du tout sûr. On est rebelles et originaux, donc ça sera AH. Voilà. Wow. Tant que t'es la bonne franquette, tant que t'es dans notre podcast, c'est AH, d'accord? Ok, c'est vrai. Je veux l'entendre quand tu rigoles. AH, AH, AH. Du coup, il nous dit, mec, la bonne franquette, ça défonce. Je me tape des barres à chaque fois. Et après, il a eu un blanc. Non. Après, il a un message. Exactement. Non, mais en fait, il a fait une faute. Du coup, j'ai mis longtemps à comprendre. Mathieu, un vrai charisme. Non, Mathieu, je t'aime. Non, j'aime que Daniel. Mais tu fais des fautes. Mais je l'apprécie en même temps. Non, un énorme charisme, toi et Vincent, laisse tomber. Et ensuite, il a dit préservez, les gars. Préserver. J'imagine que ça veut dire faites attention à vous. Persévérer. Peut-être. Persévérer. En tout cas, je pense que on va. Moi, je vais essayer de me préserver. On va monter une équipe pour nous protéger visiblement. Parce qu'on est en danger de mort. Parce que là, il nous a menacés. Là. Et c'est une menace. Et en tout cas, ouais. D'ailleurs, vous êtes tellement nombreux à nous apporter votre soutien premièrement et à vouloir participer. Je vous avoue qu'on est totalement débordé. On est surbooké. Franchement, c'est impressionnant le nombre de gens qui veulent participer. Ça nous touche vraiment. Le seul problème que ça pose, c'est que c'est impossible en fait. À moins qu'on fasse un épisode par jour, c'est pas possible. Donc, il y a des concepts qui arrivent. Ça devrait vous plaire. D'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut cracher le morceau? Non, j'ai pas dans un épisode. J'ai pas envie de spoiler. Tu veux faire la pub juste avant? Bah, le truc, c'est que comme ça va sortir cette semaine, sauf que ce podcast-là est intemporel. Donc, si on dit mercredi, il y a une annonce qui arrive, ça n'a pas de sens, tu vois. Tu dis mercredi prochain par rapport au jour où on enregistre. Alors, super, je dois regarder mon calendrier. Vendredi 13, on le rappelle. Hein, pour l'instant, on n'a toujours pas gagné au loto. Ça n'annonce pas du bon. Mais j'ai déjà joué. Ah, il faut jouer? Bah ouais. Ah merde! C'est pas, genre, à la télé, ils disent pas Quentin et Crepon a gagné 500 millions d'euros. Bah ils disent pas qu'il faut jouer. Si. Ils disent les résultats du loto. Ils disent à bientôt pour le nouveau jeu. Ah, à bientôt de vous revoir, je crois, non? À bientôt de te revoir. À bientôt de te revoir. Podcast de Sophie Marie Laroui. Excellent podcast. Très, très cool. Du coup, attends, on avait dit, on t'a consulté en tant qu'experte des podcasts et tu avais dit quel jour ça serait bien? Le mercredi, ça? Ouais, le mercredi soir. Alors, je pense que ça serait pas mal. Grosse annonce, attention. Attention. Vincent, est-ce que je peux avoir un décompte, s'il te plaît? À partir de 7,5. 7,5. 7,4. C'est beaucoup trop. C'est arrivé à 1. Et là, ils sont. Yes. Bon. Non, mercredi, on fait un épisode. Mais il n'y a pas le décompte? Ah, pardon, alors 3, à partir de 3. Ok, 3. 2,9. 2,8. Non, mais faites 3. 2. 1. Mercredi, on fait un épisode live de la bonne franquette. On sait pas encore à quelle heure, ça sera entre 18 et 20 heures. Je pense que ça sera à 20 heures, le temps que les gens mangent, le temps que les gens rentrent chez eux. Parce qu'on a énormément de demandes de participation et on s'est dit, comment faire participer tous ces gens sans faire un milliard d'épisodes? Parce que bon, vous les appréciez, mais le problème c'est que ça demande du temps. En réalité, je vous jure, faire un épisode de la bonne franquette, c'est un travail assez faramineux. Ouais. Du coup, on va faire chaque semaine à partir de maintenant tous les mercredis soirs. Alors, on va commencer déjà avec cet épisode pilote et si ça marche, ça deviendra hebdomadaire. Un épisode live où on fait intervenir des gens pendant 15-20 minutes et on parle d'un sujet non pas qu'on a choisi, mais que vous avez choisi. Exact. Donc, dans la description de cet épisode, et je le mettrai sur la vidéo, super, ça me fait du montage, merci. On mettra le lien du Discord avec une salle d'attente et le jour même, vous aurez accès du coup à la salle de chat, la salle de chat vocale où vous pourrez parler de ce que vous voulez. Vraiment, il n'y a aucune coupure, aucune censure. Sachez simplement quand même que les propos que vous dites n'engagent que vous, bien évidemment, parce qu'on va se retrouver avec des néo-nazis. Non merci, on n'a pas envie de vous voir, les néo-nazis, vous êtes des mauvaises personnes. Merci de le rappeler. Un podcast engagé, je le rappelle. C'est vrai. La bonne parce fois. Que là, excusez-moi, bon, mais vous, excuse-moi, The Dude. Oui. Seriez-vous The Big Lebowski? Je suis, j'ai pas de peignoir sur moi, malheureusement. Mais t'aimes le bowling, je crois. J'adore ça. T'adore le bowling. Mais par contre, est-ce que on fait bien de dire que les néo-nazis sont mauvais? Moi, je les emmerde. Car c'est 90% de notre audition. C'est vrai. Mais je vous aime, les néo-nazis. Non. Je te vire. Je te vire et j'appelle la police. Non. Non, les néo-nazis, bien sûr, on vous emmerde bien profondément. Ouais, ça fait plaisir. C'est gratuit. J'ai failli faire un fuck. Tu peux le faire, c'est pour les néo-nazis. Hein. Fuck vous. Eh, les néo-nazis. Tenez, prenez ça. Allez, bim. Allez. Allez, fais-moi les malins tout de suite. Hein. La calotte de vos morts, quoi, là. Bien sûr, la calotte de vos morts, les néo-nazis. franchement, ça me va comme croisade. Partir en croisade contre les néo-nazis, ça me va. Et ils font peur quand même. Hein. Ouais, mais avec leur crâne rasé et leur tatouage. Non, du coup, franchement, du coup, voilà, on va éviter de trop s'épancher là-dessus, s'étendre là-dessus. S'épancher. Ça se dit, hein, ça d'accord se dit. C'est ouais, penché, oui. Bien sûr. Non, ça un mot, ça apprendrait le français, Vincent. Alors, ok. Ah, ok. Ah, ok. Non, du coup, mercredi, 18-20h, on vous donnera toutes les infos aux stories. Donc, abonnez-vous. Vincent-du-bas, Weigel, VGL, W-E-I-G-E-L. Mais de toute façon, les... c'est écrit au début du podcast. Et Quentin Crepon, toutes les infos seront dans les stories. Alexia, on peut dire ton prénom? T'as envie de faire de la pub un petit peu, peut-être? Bah écoutez, vous pouvez me suivre sur Instagram, à l'exception YTB pour YouTube. Alex, donc comme Alexia, et exception comme exception. Du coup, je savais pas, t'as ton compte pro et... Enfin, ton compte YouTube privé. Et compte privé. Ouais, je l'ai créé parce que je pense que c'est... Pas envie de mélanger les deux. Ouais, pas envie de mélanger les deux. Ça se comprend, hein, quand on connaît les dangers de l'Internet. Justement. Exact. Non, du coup, voilà, effectivement, podcast en live. On verra si on l'enregistre. Je pense que la première édition, on l'enregistrera pas. On verra. Vincent, je te rappelle que tu t'occupes de la DA. Oui. Et ça arrive vite, il va falloir t'y coller. Ah, ben, j'avais prévu de le faire ce week-end. Oui, bien sûr. Alors, du coup, venez nombreux en live. Venez soutenir, venez parler. Vous avez la libre antenne, le choix de parler de ce que vous voulez, donc venez. Et on continuera bien sûr d'invoquer des démons parce qu'on est un podcast satanique. À l'exception non, d'inviter des guests haut en couleur et haut en qualité. Mais revenons-en à notre sujet qui est le voyage. Oui. Tu voulais peut-être dire un truc pour conclure sur l'Italie, Venise. Est-ce que les pizzas sont bonnes? Excellente. Vincent, c'est à toi. De quoi veux-tu nous parler? Ok, on va parler. J'ai pas fait beaucoup de voyages finalement. La vie n'est-elle pas un voyage? On a fait. D'accord, ça fait plaisir, merci. Je répondrai quand même pas. on a fait la Corse, tous les deux. Exact. C'était bien cool. Tu l'as faite avec moi et aussi sans moi. Oui, donc c'est vrai. Deux visions différentes. Ouais, j'avais fait la Corse en 2016, je crois, avec ma copine de l'époque. À qui on ne passe pas de shout-out. Ouais. Désolé. Coup dur. Mais bref, ouais, je l'avais fait avec elle. On avait fait la route en voiture. Donc, depuis l'Alsace pour aller jusqu'en Italie, je crois. Toulon. Je crois que c'était Milan, c'est possible. Milano, ouais. Il y a le Corsica Ferry. Du coup, jusqu'à Milan, prendre le périph' avec la voiture. et atterrir en Corse avec la voiture. Corse grâce au bateau. Attends, atterrir grâce au bateau. Attends, atterrir, ça veut dire prendre un avion avec un bateau. Oui. J'ai mis ma voiture. Et on est toujours en voiture. On est toujours en voiture, on est d'accord. Oui. Hein. Non, alors moi j'étais dans la voiture. La voiture était dans le bateau. Le bateau était dans l'avion. Ok. Ils nous ont largués au-dessus de la Corse. Ok. On a atterri et on est sorti en voiture comme ça. C'était un peu Fast and Furious. Pour le coup. Ça me semble effectivement assez aventuresque comme épopée. Et du coup, on est arrivé en Corse, on avait la voiture, ce qui était vraiment cool parce qu'on pouvait se déplacer n'importe où et voir les paysages corses tout en roulant. Qui, je le rappelle, sont absolument fantastiques. Quand je vous dis que la Méditerranée, c'est magnifique, je vous jure, allez en Corse, vous allez vous tombez amoureux des gens, mais je vous jure, vous allez tomber amoureux de la vie et de la nature. C'est incroyable. Petite anecdote, quand il y a eu le Tour de France il y a quelques années, il est passé par la Corse et je me rappellerai toujours, un des commentateurs américains a dit « Ce sont les plus beaux paysages que je n'ai jamais vus » et il a bien raison. Pourtant, on est allé au Japon, j'aime le Japon. Oui. Pour vous prouver l'amour de Corse, vous savez, il y a... Enfin non, vous ne le savez peut-être pas, mais là-bas, les panneaux de villes et villages sont écrits dans les deux langues. En français donc, et en Corse. Français et en Corse. Et quelquefois, on voit des impacts de balles sur les panneaux français. Exact. Parce que montrer l'amour. Ils sont très territoriaux. Mais en fait, c'est une tradition, parce qu'en réalité... Une tradition de tirer... À balles réelles. Je te rappelle qu'ils ont une mafia là-bas, oui. Qui est implantée sur l'île et d'ailleurs un petit peu partout en Méditerranée, qui s'appelle Brise de Mer. Et qui c'est pas ouf comme nom de mafia. Moi je trouve ça stylé, Brise de Mer. Ah, Brise, je croyais Brice. Elle s'appelle Brise de Nice. Et ils ont tous des perruques jaunes. Je t'avais dit que tu devais pas faire le malin. Pom pom. Cassé. Cassé, là. Je l'ai cassé en deux, le boug. Non, mais effectivement, ils ont cette tradition de... Alors, avant, ils faisaient péter les maisons. Maintenant, ils tirent sur les panneaux, ce qui est quand même plus agréable. Au niveau de la vie, là-bas. Il y a quand même des règlements de compte. Mais ils sont très territoriaux parce qu'ils veulent leur indépendance. C'est quand même une île. Mais en réalité, si on leur donnait l'indépendance, ils ne la prendraient pas. Parce que le tourisme et toutes les activités économiques liées à ça rapportent énormément d'argent, qui met bien les Corses, on le rappelle. Je sais plus combien de fois il y a de plus de population en été que tout le reste de l'année en Corse, mais c'était assez impressionnant, je sais plus. Fabuleux, fabuleux la Corse. Ouais. Très beau, très beau. Apparemment, le niveau de vie est assez cher là-bas. Alors, ça a explosé ces dernières années. Ah ouais ? Ouais. Il y a 40 ou 50 ans, mes grands-parents ont acheté deux maisons là-bas pour une bouchée de pain. Genre vraiment, les terrains ne valaient rien. Aujourd'hui, ça vaut plusieurs millions. C'est hyper cher. Et Surtout que c'est près de la mer. Exactement. Il y a beaucoup de célébrités. Il y a notamment sur la côte près de... Il n'y a pas Zizou qui a une maison là-bas ? Il avait une maison qu'il a vendue. Oh non, Zizou ! Il avait J'ai failli croiser une superbe Zizou. Maison avec une plage privée des plus resplendissantes. Ouais. Mais qu'il a vendu depuis et qui est passé entre maintes et maintes mains depuis. Mais au moins j'ai vu l'ancienne maison de Zizou, donc j'avais l'impression d'être un peu avec lui. Donc j'ai un peu appris le football grâce à lui, on peut le dire. C'est Zizou m'a tout appris. Pour ça que t'as fait une carrière de footballeur professionnel ? Pas du tout ! Pas non. du tout, t'as arrêté très vite. Ligament croisé. Ça m'a tué. Bon, je les ai pas eu, mais ça aurait pu en mettre une entrave à ma carrière. Alors tu as 2 minutes 40 pour parler de la Corse. Ok, alors ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les plages, voilà. Moi ça me va, je pense qu'on peut arrêter là. Non, c'est bien parce qu'en Corse on a un peu le côté italien qui ressort pas mal. Donc on a des bonnes pizzas, enfin on a de la bonne nourriture. Le dialecte est beaucoup inspiré de l'italien. Oui. Beaucoup de saucissons. Hein. Tout le monde adore le saucisson. En même temps, le saucisson corse, shout out à tous nos amis végétariens. Comme Alexia. Oui, exact. Qui est pesco-végétarienne. Oui. C'est-à-dire qu'elle est végétarienne, mais pesto, elle mange que du pesto. Elle adore exact. Les plantes. Ouais. Non, mais oui, on mange bien. Voilà. Ouais, on mange bien. Les paysages sont incroyables. Niveau montagne, mer, incroyable, tout ça, c'est... L'eau est bleue. Alors, étonnant, l'eau étonnant parce bleue, qu'on mais... on a l'habitude de... Le scientifique qui fait non, l'eau est bleue en fait, l'eau c'est est par la réfraction. Bon, l'eau est transparente, sable, c'est la lumière. Le premier podcast qui est concurrence, c'est pas sorcier. Non, franchement, c'est la première fois de ma vie que je vois une eau aussi turquoise. Belle. Oh là là. Oui. Bon, c'est pas dans tous les coins, hein, mais il y a quelques. Ouais, il y en a souvent et particulièrement à un endroit, je me souviens plus du tout du. Palombage, je crois. Je sais pas. C'est une des plages les plus touristiques qui est. Mais c'était pas une plage, c'était plutôt une crique. Genre on y allait en bateau et tout, on pouvait pas y accéder autrement. Il y en a plusieurs, il y a plein de petites criques. Et oh là, c'était si beau. C'était vraiment, voilà. C'est vraiment cool, magnifique. Ça, quel plaisir. En plus, les plages sont souvent, le dénivelé pour aller dans l'eau est souvent assez long, ce qui fait qu'on a pied jusqu'à aller, 500 km en fait. Ça, c'est trop bien. Ça, donc, c'est beaucoup, 500 km. Alors, no fake. Fake news. Exact. Ouais, sinon, qu'est-ce qu'il y a en Corse aussi? Il y a la fierté des Corses, qui est un peuple très fier. Il faut le dire quand même, par exemple, quand t'as une plaque... Sacré accent. Quand t'as une plaque de voiture immatriculée, ce qu'on appelle le vieux continent, ce qu'ils appellent là-bas le vieux continent, c'est-à-dire la France, et ben ils vont te doubler sur la route. Et genre, il y a vraiment... Eux, ils ont un code de la route qui les privilégie en Corse. Bon, c'est un petit peu abusé, mais ils ont une certaine fierté quand même, parce que c'est... Ils ont le sang méditerranéen, ils ont... Voilà, c'est... Ils sont chauvins, on va dire. Il faut dire que la Corse est quand même issue d'un brassage ethnique assez important. Ils se sont fait énormément envahir. Donc il y a eu des enfants d'énormément. T'imagines tous les deux jours différents. Comme ça devait être dur. Oh non, encore. Oh, un nouveau peuple, oh, c'est quoi là? On va devoir parler quelle langue cette fois? Non, mais du coup, ils ont énormément de sang différents. D'ailleurs, sur le drapeau, Corse, c'est une tête de mort, et pas de mort, une tête de mort, le pirate, mais une tête de mort, M-A-U-R-E, qui était un peuple ottoman, je crois, mais j'ai dit peut-être une bêtise. Oh, en tout cas, là où je dis pas une bêtise, c'est qu'il est temps de faire une pause. Attention, pause. Et nous revoilà. Nous avons donc parlé de l'Italie, de Venise, de la Corse. Alors, tu as fait la Corse avec ta petite copine. Est-ce que tu as envie de parler de notre voyage très rapidement en 2-3 phrases? Ouais, seul problème de notre voyage... C'était moi. C'était vraiment toi, clairement. Ou le fait que je pose ma serviette des fois un peu à peine humide sur un... Mec, c'est une des règles de la maison. Le linge humide moisi. Mais je l'ai posé. Ce n'est ni hygiénique, ni mais bon pour l'odeur. Mais je l'ai oublié 5 minutes. Non, mec, tu l'as fait plusieurs fois. D'ailleurs... Je l'ai fait 2 fois maximum. Mais t'es un malade, tu te rends pas compte. Non, mais t'es complètement fou, On fait. A dû faire carré détruire la maison, t'es un malade. Quoi? Il se passe quoi? Pourquoi Siri a Siri parlé. S'est lancé tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi? Non, c'est un malade. Ah, c'est chez moi. C'est... Ok. D'accord. Et Apple, on sait que vous nous écoutez, mais soyez sympa. Alors, mais d'ailleurs, au niveau de l'odeur, on a reçu souvent, parce qu'en fait, on était dans une maison où il y a des petits chats qui passent, ouais, parce que les chats se. Sur quoi? Je savais que t'allais parler d'eux. Bah, t'as pas envie de leur parler? Si. Voilà. Si. Et du coup, on avait un petit chat noir qui était trop mignon. Trop mignon. Oh, et comme il s'appelait, on l'avait appelé. On l'a appelé Orly en référence à la bataille de Booba et Karis, parce que c'était dans les actualités. Exactement. Il était noir comme le combat, noir comme la passion, et noir effectivement comme Booba et Karis aussi. Et du coup, on l'a appelé Orly en référence à ce fabuleux événement qui a marqué quand même l'histoire du rap français. D'ailleurs, Octogone. Ça se fait ou pas finalement, ça, je sais pas. Ouais, ça a été annulé, je crois. En tout cas. Non. Je sais que ça devait se passer à Bâle. Ah oui, à cause de potentiels troubles à l'ordre public. Mais Bouba a dit qu'il s'engageait à vraiment le faire. Écoute, donc, mais je crois qu'ils ont signé tous les deux, je crois, donc ils vont être bien obligés de le faire au bout d'un moment, je pense. Oui, c'est clair. Mais surtout quand on sait l'argent qui est en jeu. Hein. Oui, bon, allez, on vous connaît, les rappeurs. Bouba, Karis, on se met bien. Vous avez bien raison, vous avez bien raison. Mais ouais, il y avait un autre chaton, par contre, qui lui. Qui puait là. Même de visuel, il y avait une odeur. Il était sale. En fait, il avait les poils drus comme... Vous savez, quand un chat ou un chien va dans l'eau, ça fait des pics de poils comme ça, comme quand vous mettez du gel, quand vous êtes... Enfin, si vous êtes un garçon et que vous avez fait la coupe de riz quand vous étiez au collège, on a tous fait, je pense. Ah, oui. Ça, il les pics comme ça. Ben, quand un chat va dans l'eau, il a ça, parce que les poils s'accumulent. Et ben lui, il avait ça tout le temps, en fait. Et ça prouve une certaine... Crasse, exactement. Et du coup, quel est le petit surnom qu'on lui avait trouvé? Alors, Alexia, tu dois le trouver. T'as 3 essais, sachant que ça commence par crasseux. Alors, presque. Crasse. Non, c'est pas la crasse, c'est croûte voilà. Quelque chose. On l'appelait le crouse et il nous donnait une pension. J'allais dire croum, mais ça, c'est l'expression de ça. Ça n'a pas grand chose à voir croum, avec la puanteur, hein, finalement. Croum, ça veut dire genre quand t'es tordu. Oh, ça aurait pu passer. Croum. Ah oui, c'est croum. Ouais, croum qui était un familier sur Dofus, d'ailleurs. Voilà. Un petit chevalier qui donnait des résistances. Attends, mais personne n'en a rien à foutre de Dofus. Mec, Dofus, c'était une grande partie de l'adolescence d'entre nous. Ça a été énormément joué. Un des jeux français les plus populaires au monde, mec. Mmh. On peut pas passer ça sous silence. Une des plus belles réussites de notre beau pays. Donc, ah, c'est français ? Ah oui, ça vient d'Angoulême du Nord. Ah ok, je savais pas du tout. En Kama. Donc ils ont le festival des BD et... Dofus. Et Dofus. Et qui pas peut se targuer d'avoir ces deux choses à part eux ? Ouais, c'est vrai. Du coup, bref, il s'appelait Crouton. Ouais. Crouton. On l'a appelé Crouton parce que vraiment il puait de fou. Ouais, mais, un crouton, mais les croutons c'est pas. Trop bon. Alors oui, mais ça pue l'ail des fois. Ça pue l'ail en fait, c'était ça pour l'odeur, ouais. Tu sais. Et il s'était pris d'affection pour moi puisqu'il s'était couché sur mon lit. Et j'ai envie de dire qu'il se ressemble, ça sent. Trop marrant. Non mais il allait toujours sur le lit de Vincent. Super, il y aura de nouveau un extrait où je vais devoir me mettre des hit markers sur mais le non, corps non. Et une explosion parce que je vais être encore clashé. Non, pas du statut tout. Sur Facebook clashé. Relation clashé. Non mais il avait l'air très sympa, hein, mais bon. Il était adorable. Mais ouais. Qu'est-ce qu'il puait, incroyable. En même temps, c'est des chats sauvages. Alors, il puait tellement que quand il est parti de mon lit... Ça sentait, encore. Bah ça sentait et il y avait une trace. Oui, c'est vrai, il y avait une trace. Mais je pense que ça, c'est la crasse due, tu sais, à la poussière du sol, ce genre de choses, tu vois. Mmh. Enfin bref, shout out Crouton si tu nous regardes. Pas sûr. En tout cas, la Corse, si vous avez la chance d'y aller, il y a plusieurs moyens de s'y rendre, en avion, en voiture, du coup, il faut passer par le bateau, même à pied. Alors, c'est excessivement long, mais j'ai des cousins qui l'ont fait en vélo un jour, donc c'est possible. D'ailleurs, il y a un superbe chemin de randonnée qui s'appelle le GR20, qui est un des chemins les plus dangereux du monde. C'est pas le G20 ? Non, ça c'est un... Oh, il m'a trollé, je suis tombé dedans. Merde ! Là, tu m'as bien eu, là. Oui. Bah, franchement, bien joué. Merci beaucoup. Je t'ai répondu direct au premier degré. Non. Non. J'adore la politique. C'est un affront. Ah là, trouvez-nous des solutions environnementales, s'il vous plaît. trouver non bah non on est tous foutus genre. Ouais, là, mais comme si les élites on avait quelque chose à foutre alors non par contre j'ai vu une vidéo récemment sur Twitter où c'est Macron Ben Laden on dirait le début d'une blague nulle non on prend pas parti mais c'est Jean-Luc Mélenchon contre les néo-nazis alors bien sûr c'est Jean-Luc Mélenchon qui se voit refuser l'accès à un bâtiment ou à une salle et il fait mais vous savez qui je suis vous avez pas honte et il dit à ses gardes du corps enfoncez la porte camarade et ça m'a fait trop rire genre je m'imagine trop un régime politique enfoncez la porte camarade et genre ils y vont tu vois alors que sur ma vidéo si je me souviens personne n'a bougé Ils se sont dit, on va pas enfoncer la porte. Quoi. Voilà, il n'y a pas de prise d'opinion là-dedans, mais ça m'a fait marrer le gars qui dit enfoncer la porte camarade. Je trouve ça. Ah, il est communiste, hein. Du coup, faut forcément dire camarade. Je n'ai pas envie de parler de politique, parlons plutôt de voyage. C'est à moi, du coup ? Oui. Est-ce que tu as envie de nous parler d'un voyage particulier ? Ou de tes exploits en Corse ? J'ai envie de parler du Japon. Oh là là. Chaque jour qui passe est une souffrance. Oh non. Sans déconner, j'y pense tous les jours, c'est incroyable. Non, là en ce moment. C'est un voyage qui t'a marqué, quoi. Ouais. Voilà. Vraiment. D'ailleurs, je pense que plus des destinations qu'on a faites, ça serait intéressant de parler de pourquoi le voyage c'est important et pourquoi ça nous a marqué. On a encore un peu de temps, on a une quinzaine de minutes, donc je vais être très rapide. Le Japon c'est trop bien. Pourquoi le Japon. Oh putain! Pourquoi le voyage c'est important ? Non, le Japon c'est vraiment cool. Si vous avez la chance d'y aller, allez-y. Il y a énormément d'offres à l'heure actuelle. C'est bien moins cher qu'avant. Avant c'était plus d'un SMIC pour y aller en avion. C'est maintenant c'est plus qu'un demi SMIC. Si même moins qu'un demi SMIC si tu pars hors saison. Alors il faut pouvoir le faire aussi. Ouais. Mais si tu pars hors saison, c'est vraiment pas cher et les logements sont pas excessifs non plus. La vie là-bas n'est pas non plus excessivement chère, notamment vous mangez pour moins cher. Ouais, beaucoup moins cher. Dans les restos. Ah ouais. Globalement, ouais. Vraiment. Genre, tu peux. Sauf les fringues. Par exemple, on était allé dans un Zara juste pour voir s'il y avait des trucs différents. Et comme c'est importé depuis l'autre bout de la planète, c'est vraiment le double du prix. Ouais. Okay, ouais. Alors mais que Uniqlo, c'était le même prix. Non, un peu moins cher. Un peu moins ouais. Cher. En même temps, c'est à la base vraiment une marque japonaise. Donc, ouais. Uniqlo d'ailleurs, on fait un shout-out à Uniqlo. Les vêtements. Très bonne quali pour pas très incroyable, cher. Incroyable, le rapport qualité-prix incroyable. Et on y retrouve tout le minimalisme japonais qui est cher à notre cœur. Non, vraiment, si vous avez la chance et que vous êtes passionné par le Japon, allez-y parce que je vous jure, c'est. Chez Uniqlo ou au Japon? Bien sûr, allez dans l'Uniqlo le plus proche. On n'a pas de billet par Uniqlo. Hein. Pas de sponsor, clairement. Mais on l'accepte Uniqlo. N'hésitez pas à nous envoyer un bon gros chèque. Plein. Moi, j'ai besoin de t-shirts noirs et blancs, si jamais. Non, en tout cas, voilà, le Japon, je m'étais fait toute une montagne de ce voyage, car c'était un rêve d'enfant depuis que bah, je suis enfant, comme son nom l'indique, avec tous les mangas que j'ai regardés et tout. Et je n'ai pas été, non seulement je n'ai pas été déçu, mais en plus j'ai été surcomblé, sursatisfait, c'était incroyable. On a fait que Tokyo et on n'a même pas eu le temps de tout faire en deux semaines, tellement c'est vaste et riche. Donc voilà, si vous êtes un petit peu un weeaboo, comme on dit, un otaku, un weeaboo, c'est-à-dire que vous appréciez cette culture, allez-y. Ne serait-ce que pour l'art, parce que je vous jure, l'esthétisme en Asie et particulièrement au Japon est extrêmement spécial. Ils ont un truc que vraiment on n'a pas, je trouve. Genre, par exemple, l'architecture est extrêmement chaotique, c'est-à-dire que tu peux te balader dans une rue où tu as des immeubles en carrelage, en fait. C'est-à-dire que c'est des tout petits carreaux de carrelage, comme ça, les façades, mais très, très années 2090, quoi. Et ensuite, tu as des immeubles, avec ça, tu as des immeubles ultra modernes, avec des baies vitrées. Et au milieu, tu as un temple qu'on dirait qui est là depuis 1000 ans. Enfin, c'est incroyable. Et pourtant, ça reste très, très beau. C'est incroyable. Exactement, c'est ça. C'est pourtant, ça reste cohérent. Attends, mais si vous voulez en savoir plus sur le Japon, allez voir, allez écouter notre podcast. Sur le Japon, alors, oui et non. On n'a pas pu tout dire. En toute on a beaucoup parlé ouais. du voyage en lui-même. Mais enfin, je pense que ça se voit dans ce que je raconte, mais c'est un des... Deux des semaines de mes 23 ans, de mes 23 petites années, qui ont été les plus riches en émotions et en souvenirs. Donc, si vous avez la chance d'y aller, vraiment, allez-y. Incroyable. Ouais. Assez parlé du Japon. Le voyage, pourquoi est-ce important, Alexia? Je te laisse commencer. Ben, c'est important pour découvrir de nouvelles cultures, déjà. Franchement, c'est tellement intéressant de sortir de la France et de découvrir comment les gens vivent. Ailleurs. Et ouais, c'est fou parce que... On ne penserait pas comme ça, tu vois, que la vie est tellement différente ailleurs. Mais rien qu'en Allemagne, moi, j'ai fait Berlin, du coup, et j'ai adoré ce voyage. Vraiment, c'est un des voyages qui m'a le plus marqué parce que les gens étaient trop sympas. Est-ce que... ils ont des choses à se faire pardonner, hein? Non, les néo-nazis. Faut vraiment arrêter. Je comprends pas pourquoi les gens parlent toujours encore du nazisme et tout, alors que c'était il y a 60 ans et que les Allemands actuels n'ont rien à voir clairement, hein, ouais. avec ça. Il faut des très bonnes séries Dark, par exemple. Bref. Exactement. Mais on dirait qu'ils sont responsables de tout pour la nuit des temps. Genre, c'est vraiment leur faute. C'est les nazis. Oh non, j'ai pas réussi à choper mon train encore. Ça, c'est les nazis. Non, bref, du coup, les Allemands. Mais est-ce que tu trouvais pas que c'était vraiment une autre ambiance et tout parce que t'étais en voyage là-bas et que tu vivais pas quotidiennement là-bas? Parce qu'il y a aussi ce truc, quand on voyage, évidemment, on se dit oh, « c'est trop cool » et tout. Ouais, c'est sûr, c'est différent aussi, mais après moi, j'y étais allée parce qu'il y avait une de mes meilleures potes qui était là-bas pour ses études. Et elle y a vécu pendant 2 mois, si je me trompe pas. Et ouais. C'est vraiment différent. Enfin, par rapport à la France, les gens sont beaucoup plus ouverts. C'est déjà. Vrai beaucoup plus décompressés ouais. aussi, j'imagine. Ouais, franchement, pourtant, ils sont connus. Ça m'a surpris, mais ouais. Ils sont connus pour être très droits. Ouais, pour avoir un rythme de travail qui est assez soutenu et très carré, très rigoureux, parce qu'ils ont quand même... qu'est-ce qu'il y a? Très droit, droit dans nos bottes, c'est ça? Non, j'allais dire... Bah, les nazis, hein, mais... Je Allez. Me dis, voilà, je ne le dis pas. Comment est-ce qu'on mute ce garçon? Non. Non, du coup, effectivement, ouais, elle en a des très bons souvenirs. Ouais. Et toi, du coup, t'as beaucoup apprécié. Qu'est-ce qui t'a plus le plus... Ça va ou quoi? Qu'est-ce qui t'a plus le plus? Alors, non. La bière. Non, t'as pas l'air trop consommatrice de bières. Ça dépend. Si quand même. Ouais, quand même. Ah, la elle bière, est meilleure pote avec Marie. Oh, Marie, ça va. Ouais, en bière ou mais pas en alcool. Passe. Ouais, mais en alcool en général, ah, ça passe. On te voit. Ouais, non, je suis une grosse consommatrice de bière. la bière avant tout. Tu es alcoolique, on peut le dire d'ailleurs. Oui, ouais. Ça se voit. Hein. Mais c'est marrant ça pour une nutritionniste de. Oui, parce que c'est le pire alcool, ouais. C'est le plus sucré et le plus calorique, donc voilà. Super. Ah ouais, la bière. Ouais. Ah, même l'alcool en soi, c'est un des pires trucs. Ouais, ouais. Oui, clairement. Donc, pour la nutrition, ouais. Oula. Ouais. Bah écoutez. Mais bon, ça fait quand même de sacrés bons souvenirs. Ouais. N'en abusez pas tout de même. C'est important. Il faut savoir se faire plaisir, mais avec exactement. Modération. Mmh. Super. Donc on finit sur une phrase de le daron Quentin, quoi. C'est. Oui, exactement. Papier crepon. Papier crepon. Et la force de l'âge, mon pote. T'es sorti dans des bars là-bas. T'as un peu suivi la vie de la nuit. Parles-tu allemand? Alors. Je fais de l'allemand depuis le CE1, si je ne me trompe pas, et franchement, à part dire je m'appelle Alexia. Mais super, j'adore. Mais moi, au club, j'adore. Non, vraiment, je suis extrêmement satisfait. Bah, on est toi tous aussi. Comme ça. Mais oui, allez. Yes. Enchanté, ça fait plaisir. Non, mais l'allemand, à quel moment ça a merdé autant pour que ce soit aussi compliqué? Mais c'est incroyable. Je pense que c'est vraiment un problème au niveau. Je ne sais pas si c'est les profs ou moi, si c'est en le vrai, programme. Mais... En vrai, je me demande si ce n'est pas le fait qu'on apprend en même temps aux enfants l'allemand et en même temps que. L'histoire avec les nazis, le nazisme et tout, et du coup non, tu dis je pense pas je bah, pense moi que... je me disais quand j'étais petit, je me souviens, ah, je vais pas apprendre c'est... cette langue quand ouais même. Voilà, ils étaient méchants et tout quand t'étais petit, putain, t'avais quand même une sacrée responsabilité politique ouais. C'est vrai. Non mais en vrai en toute franchise, si on est honnête avec nous-mêmes, il y a quand même une grosse part de flemme là-dedans. Ah ouais. Bah ah ouais, mais pourquoi l'anglais ça passe beaucoup mieux? Parce que c'est utilisé de manière internationale en fait. Et parce que c'est beaucoup plus simple. Exactement. Franchement, par exemple, c'est juste le you. Ça veut dire toi et vous. Ouais. Ouais. Rien que ça. Il y a même pas de tutoiement, il y a rien. Alors oh, que merde. Chez eux, leur fucking beautiful bro. Mais ouais, ça... non, c'est vrai. C'est plus facile. Der, mais par contre, vivace. J'ai envie de mourir déjà là. Par contre, au niveau de l'anglais par rapport à l'allemand, je sais pas. Quand on est petit, on regarde de toute façon pas les films en anglais. Enfin, on a autant de connaissances à la base en anglais qu'en allemand. Donc, je sais pas pourquoi on retient beaucoup plus l'anglais. Mm. Enfin, pourquoi on a beaucoup plus envie d'apprendre l'anglais. Ben, déjà rien que la pop culture. Hein. Moi, ouais. Rien que sur YouTube et tout, et même rien que les musiques. Exactement. Tout est en anglais. Ouais, c'est vrai qu'il y a les musiques. Pas du tout d'allemand, quoi. Rien. À part Rammstein, j'avoue, j'écoute. D'ailleurs, en ce moment, je me suis remis au métal et j'avais oublié à quel point cette musique est un délice. Oh là là. Là un délice pour les oreilles. Non, vraiment. C'est... Bah, si tu veux, je peux t'en faire. Ah oh là là. Je m'excuse pour nos amis métalleux. Je m'excuse auprès de tous nos amis métalleux parce que franchement, c'est honteux ce qu'il va faire. Honteux. Je vais me laisser pousser les cheveux et les rendre gras en signe d'excuse. Oh là là, mais excusez-le, il ne sait pas ce qu'il fait, il se rend pas compte. Pardon. Non, mais en plus, franchement, tous les métalleux qui ont. Eh, ça va vous? J'accuse peu, le coup à force de parler là, je. Plus les deux verres d'alcool, là, je suis un peu... Non. Il n'y en a pas, là. Il n'y avait pas d'alcool du tout, jamais. Wow, donc un seul verre de Chivas et... Bah, et c'est parti. Je suis peut-être, non, un, je suis peut-être un papy, en fin de compte. Non, mais effectivement, en plus, tous les métalleux que j'ai rencontrés étaient des personnes absolument adorables, donc voilà. Et non, du coup, juste pour le métal, il y a énormément de ressorts et de rythmiques qui sont semblables à la musique classique, et j'adore la musique classique, donc ça doit jouer. Quel bonheur, la musique classique. Incroyable. Ah, incroyable. Ouais. Lacrymosa, meilleur morceau de Lacrim. Tout. Je connais ça. Pour tous nos frères enfermés en ensemble. Non, mais Lacrymosa, morceau de Mozart, je le rappelle, meilleur morceau de tous les temps, de tous les genres confondus. Il n'y a pas de... Y a pas, voilà. C'est personnel, mais en même temps, c'est obligatoire. C'est vrai. Du coup, l'Allemagne, tu as eu le plaisir d'y aller. Mm-hmm. Et du coup, très bon délire. Ah ouais. Ouais. Franchement, ouais. À faire. Surtout Berlin. Incroyable. Alors, ouais, si tu avais un pays parmi tous ceux que tu as fait, parce qu'on le rappelle, tu as aussi fait Lisbonne cet été. Ouais. Si tu avais un pays à conseiller parmi tous ceux que tu as fait. Bientôt, tu vas à Amsterdam, on spoil. Oui, exact. Fumer de la bonne grosse herbe. Quoi ? Exactement. Ouais, je vais voir le musée Pablo Picasso. Mais c'est bon, le journal d'Anne Frank. Alors, en plus, tout. C'est Van Gogh. Par contre, j'y vais vraiment. Et en plus, je suis en train de lire le journal d'Anne Frank. Donc. Oh, c'est vrai. Ouais. J'avoue, alors peut-être honte à moi, mais je ne l'ai jamais lu. Bah justement, moi non plus, je me suis dit, il fallait que je remédie à ça, mais 20 ans quand même. Mais du coup, j'ai pas compris pourquoi c'est en rapport avec l'Amsterdam. Bah parce qu'il y a le musée d'Anne Frank là-bas. Oui. Eh bien, je ne savais pas. Ah bah voilà. Pas du tout. Mais t'as pas regardé nos étoiles contraires ? Ah non. Ils en parlent ? Attends. T'as regardé nos étoiles contraires ? J'avais une copine à l'époque. Oh là là. Oh là. Pitié. L'amour, qu'est-ce que c'est ? Je comprends pourquoi c'est fini. Hein. Alors. Non. Bah merci. Non, écoute. T'as quand même bien évolué de manière positive depuis que t'es plus avec elle. Donc on peut dire que c'est un mal pour un bien. Bah de toi en fait. Oui. Bref. Oui, donc si t'avais un pays à conseiller avec tous ceux que t'as fait, lequel serait-ce ? Putain, j'adore la langue française, c'est trop beau. Lequel serait-ce ? C'est incroyable. Ouais, c'est trop magnifique. Beau, putain, la langue française. Alors, ça dépend des saisons, mais je dirais qu'en début d'été, enfin non, même pendant l'été, en vrai, l'Allemagne à faire. Vraiment. Pendant l'été ? Ah ouais, à ce point-là ? Ah, moi, j'ai adoré l'ambiance là-bas et tout, mais... Attends, mais moi, je suis allé une journée à Offenbourg avec ma classe en 3e, c'était pas à l'éclate, hein. On a fait Primark et c'est tout. Non, mais Berlin, culturellement, déjà, c'est hyper riche. Et franchement, l'ambiance, la nuit là-bas et tout, rien à dire. Hein, franchement, T'as clubé à donf ? Non, ça va. Franchement, j'ai été raisonnable. Oh. Pas plus qu'il n'en faut. Exact. Faudra que tu parles de ton voyage en Bulgarie aussi, toi. Oh là là là. Est-ce qu'on a seulement le temps pour parler de la Bulgarie ? Je rappelle, j'ai un tatouage. Après, j'ai un tatouage qu'on a fait en Bulgarie. On a matière à faire un deuxième épisode. Hein. Avec l'OMF. J'ai pas parlé de tout. Le truc, c'est que, en fait, on pourrait parler des heures et des heures, déjà parce qu'on est bavard, mais en plus parce que, voilà, c'est intéressant, tu vois, c'est une vraie discussion. Oui. Est-ce que tu es heureuse actuellement ? Très. Voilà, ça je suis comblée. Ouf. Waouh. Attention tout de même. Et du coup, voilà, on a fait ce tatouage Strong Moves que je partage avec que la chance Roberto. De partager avec Roberto qu'on a fait là-bas. Et c'est vrai que c'était un trip. On a fait seulement 3 ou 4 jours, Est-ce que tu peux raconter l'histoire de ce tatouage ? Comment vous avez eu l'idée ? Alors, OK. Il faut savoir que Roberto, voilà, on a développé plus qu'une une relation d'artiste à artiste, vraiment, j'accuse le coup, je vais prendre mon suppo et au lit après, il n'y a pas de... Wow. Non, effectivement, avec Rob, on a développé plus qu'une relation business, vraiment, c'est plus que de l'amitié, je le considère comme un frère pour moi à l'heure actuelle. Ah. Et... On parlera un jour de l'anecdote avec ta mère, toi. Oui. Alors là, les gens ne vont pas comprendre, mais vraiment, c'est très drôle, un jour on en parlera, mais bref. Et du coup, effectivement... C'est quoi ça ? Il y a un tracteur qui se gare en bas. On est dans un champ en fait. Exactement. Il y a un nœud dans un. Non mais bref. Du coup, effectivement, il s'avère qu'on apprend qu'on part à Sofia, capitale de la Bulgarie, s'il en est. Et donc, super voyage, machin et tout. On va à Francfort. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse un tatouage. Moi j'en avais déjà un, Memento Mori, là, sur le bras gauche. Mais le bras droit est. T'es vierge. Exactement. D'ailleurs, je le suis toujours moi aussi. Donc, mesdemoiselles, si vous êtes intéressés. Et ce bras-là est dédié au voyage, en fait. J'ai un tatouage du Japon, j'ai un tatouage de la Bulgarie. Bientôt, il y aura Londres. Voilà, je spoil. Wow. Je vais en faire à Londres et partout. J'ai envie d'en faire tellement, c'est incroyable. Mm. Je trouve ça trop bien d'avoir un tu sais, genre, c'est un souvenir, mais concret. Tu vois, ouais, c'est trop bien, franchement. Et, mais c'est dur en même temps, parce qu'on en avait déjà parlé, et c'est vrai que c'est dur de se décider sur quel tatouage faire. Franchement, c'est chaud, hein, et après, faut aussi bien savoir s'exprimer et tout. Moi, je ne pouvais pas le faire. Franchement, c'était chaud au Portugal. Déjà, ils ne parlaient pas hyper bien anglais. Bonjour, je veux le tatouage. Ouais, c'est compliqué, mais... En plus, c'est vraiment à milieu de la langue portugaise. C'est clair. Bref, et du coup, ce tatouage, on l'a décidé. On a pris l'avion. J'ai lu, et ce n'est pas un mensonge, j'ai lu une BD franco-bulgare, un magazine franco-bulgare économique avec des articles anglais, parce que sinon, franchement, j'aurais rien compris. D'ailleurs, il faut que je vous parle d'un mot que j'ai trouvé dedans, un mot allemand. Alors, vous n'allez pas en revenir. C'est le plus long mot allemand que je n'ai jamais vu. Faut que je le retrouve. Est-ce que je vais y arriver avant que... T'as combien de notes ? Oh, j'en ai beaucoup trop. Mais tu fais pas des dossiers, toi ? Comment ça ? Tu peux faire des dossiers de tes notes ? Ouais, mais je sais pas... Il y a 127 notes, quoi. Vous vous rendez compte? Non, mais... j'en ai pas mal aussi, mais je les ai classés récemment. Putain, je crois que je vais pas réussir. J'ai supprimé tout ce qui servait à rien. Parce en tout cas, c'était quelque chose comme citation lourde. Non, mais c'est un truc que je trouve trop cool. Genre, par exemple, une citation de Park Chan-wook, mon réalisateur préféré, qui est un réalisateur coréen qui a fait Mademoiselle et Old Boy et qui est abandonne tout espoir, mais bon espoir quand même. Voilà, je trouve ça incroyable. Ça veut dire que même s'il n'y a aucune chance, il faut y aller quand même. Et ça, c'est. Voilà. Blablabla. Putain, c'est trop long. T'arrives à le retrouver par rapport à la date Attendez, mais de toute façon, il va y avoir le. La coupure, encore. Ouais, mais ouais, en vrai, c'est peut-être le plus long épisode là. Ouais. Hop. Vite fait, et après je fais la coupure, et puis ensuite on parlera vite fait encore du. Oh, j'arrive pas à le retrouver. Enfin, le mot c'est Bundesteuerkammer. Enfin, c'est excessivement long. Et en gros, je crois que ça veut dire état économique de. Mais si t'as une petite partie du mot, tu peux la rechercher dans les notes. Ah ouais, comment on fait? Tu vas tout en haut. Ça là? Et alors, rechercher. Alors. Bundes, voilà. Bundesteuerberaterkammer, voilà. Fais voir un petit peu. Je suis con, je vous le montre, mais vous pourrez pas. Voilà, c'est quand même excessivement long, on est d'accord. Bah, tu gagnes Scrabble avec ça. Alors là, nickel. Là, c'est mot contrib, fin de partie. Là. tu gagnes la partie suivante. Même. On joue une autre partie. Ouais, t'as gagné. Ouais. Scrabble qui est le jeu que tu adores le plus. Mon jeu préféré, je le rappelle, je suis papy, donc. Papy. Non, mais déjà, il est très mauvais perdant. Et quand en plus il s'agit de jouer à un jeu où il faut placer des mots et qu'il aime la langue française et qu'il perd, ça devient son jeu. J'adore la langue française, formidable. Par exemple, il y a des mots escarmouche, incroyable le mot escarmouche. Voilà, il faut pas oublier des mots comme ça. Non mais. Je suis il pas mauvais perdant. Mauvais on joue au Uno, vous inventez des règles. Mais il s'est pas inventé des règles. Vous êtes des malades. On se met d'accord sur les règles. Allez vous faire interner. On se met d'accord sur les règles au début. Mais tout le monde est d'accord quoi. Sauf toi. Mais n'importe la quoi. La majorité on est d'accord. On s'est jamais mis d'accord sur les règles. Bien sûr que écoute, si. Écoute, c'est le podcast où on règle ses comptes. Et t'es un escroc. Écoute, on va faire une partie de Uno. Et notre amitié va se finir parce qu'on va enchaîner sur Mario Kart Wii. Et que là, il y aura vraiment plus d'excuses. Celui qui gagne Mario Kart Wii, il gagne tout. C'est le point Godwin du jeu vidéo. Non. Bref, je sais plus de quoi on parlait. Oui, de Strong Moves. Ouais, du tatouage qu'on a fait. Du coup, je lis ce machin et je vois un article qui parle de Strong Moves. Et en gros, enfin, le titre c'était Strong Moves. Donc, mouvement impactant en gros, mouvement fort. Excusez-moi, c'est. C'est le coca. Non, c'est l'émotion, vraiment là. Je suis... Ah, ok. Bref, et en fait, je me suis dit. Mais oui, c'est ça. Parce qu'en gros, c'est un article qui parlait de comment la Bulgarie va arriver. La Bulgarie. Hey, ça va ou quoi? C'est encore l'émotion? Ah ouais, là, je suis tellement ému. Ah non, la Bulgarie en fait essaye de se développer économiquement, ce qui est pas facile quand on connaît l'enclave des pays d'Europe de l'Est. Mais bref, on va pas rentrer dans la géopolitique. Et du coup, ça se développe plutôt bien à l'heure actuelle. Sofia s'enrichit beaucoup. Alors, quand on s'éloigne un petit peu de Sofia, c'est beaucoup moins rose. Mais en tout cas, le au fait, t'as pas fait la coupure, je crois. Ouais, j'allais dire. Exact. Coupure. Du coup, bref, Sofia, vachement cool. La Bulgarie, c'était trop cool. On en parlera un autre jour. Mais du coup, voilà, ce tatouage, on l'a fait parce que j'ai dit Strong Moves. C'est la première fois qu'on quittait la France pour aller faire de la musique ailleurs, dans des studios avec des gens qu'on connaissait pas. Tout était frappé. On est arrivé dans une suite 5 étoiles, dans un des plus bels hôtels de Sofia. Incroyable. Et voilà, on a fait de la musique, on était payé pour ça, et c'était incroyable, et voilà. Et on s'est dit, pour fêter ça, comme c'est quand même un big step, une grosse étape dans la vie d'un artiste, on s'est dit, il faut se faire tatouer, et on s'est dit, Strong Moves, c'était parfait. Donc voilà. C'est vrai. Et par contre, j'ai le seum, parce qu'il a extrêmement bien vieilli chez Roberto. Et pas chez toi. Non, moi, j'avoue qu'il a, il s'est un il petit a perdu peu, en... il s'est un peu effacé, il a perdu un peu en éclat. Mais bon, ça fait partie de la vie, c'est aussi des après, choses... Après, bon, ça va, c'est des trucs que tu peux faire refaire, quoi. Rien ah oui, bah, donc, c'est bah, pas perdu à ouais, jamais. Non, c'est pas un problème. Non, mais voilà, j'accepte en toute franchise, il n'y a pas de... Même le Memento Mori que j'ai là, il est très grand et il a des imperfections, mais il n'y a pas de problème, je sais pas, je suis pas... T'es pas assez après, quoi. Maniaque, je sais pas, je trouve ça rajoute même une certaine... un certain côté humain, un tu vois. Un côté organique. Ouais, voilà. Un peu texture de l'organisme. En fait, mais ça serait trop industriel si tout était parfait. Bref. Non. Vincent, Pourquoi est-ce que le voyage c'est important? Toi qui, je le rappelle, n'aimes pas trop voyager car tu aimes bien le cocon familial et on peut te comprendre. Je suis un peu casanier en fait. Le truc c'est que. Tu es Christophe de Chavannes. Aucun. Quoi? En fait, disons que quand je suis bien dans mon confort, j'ai pas. Quand je pense à faire un voyage, je pense que au côté. Oh non, il va falloir organiser tout ça et tout. Et tout de suite, ça me bloque. Alors que quand. Déjà, c'est pas si compliqué que ça, au final. Surtout aujourd'hui. Oui. Et en plus, bah en fait, non, c'est vraiment trop bien le voyage. Du coup, j'aime de plus en plus voyager. Donc, j'ai hâte d'aller à Londres. Et pourquoi c'est important le voyage? Eh bien, car ça permet de. Manger. Une gastronomie différente. Non, oh là là. Bah si. Si aussi, c'est vrai. En vrai, c'est vrai, c'est un argument majeur quand même. Ouais, franchement, découvrir les pays par rapport à leur gastronomie, c'est vraiment très, très stylé. Mmh. Mais, et aussi parce que j'adore manger. Mais bref, non, franchement, ça permet de voir beaucoup de choses différentes et surtout de décompresser, en fait. Quand on part en voyage, on revient apaisé. Bon, je fais pas partie des gens qui... quand ils reviennent d'un voyage, ils sont frustrés de revenir chez eux. Moi, j'aime bien revenir chez moi. Le moment où je rentre chez moi, je suis... Ah, c'était bien, mais je suis content maintenant. Ouais. En fait, je suis positif tout le temps. Moi, tout me va, j'adore. Oh, un verre de coca vide, bah j'adore. Enfin, non, c'est pas du coca. Faut pas le dire, pardon. Attends, mais t'es sûr qu'on a bu un seul verre d'alcool, là? Non, mais voilà, j'aime bien. C'est l'émotion. Décidément. Premier sur l'émotion de podcast. Hein. Non, franchement, je trouve que ça, ouais, ça permet vraiment de se ressourcer. Quand je reviens d'un voyage, j'ai envie de me remettre au boulot plus qu'avant, quoi. À chaque fois. Alors que j'adore mon travail, mais j'ai vraiment un petit coup de peps et ça fait plaisir. Parce que t'as bien profité et t'es de nouveau d'attaque. Voilà, exactement. Limite, en fait, il y a des jours où je me dis « Ah, ça me fait chier de travailler ». Je vais en voyage et je me dis, oh, le travail, ça me manque quand même. C'est vrai? De temps en temps. Ça, c'est beau quand même parce que ça veut dire que t'es quand même passionné par ton métier. Ouais, ça, c'est bon. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est grave. Du coup, toi, il n'y a jamais la nutrition, ça te manque? Non. Non, c'est vrai? Ah non. Je rêve de calories. Non, mais je sais pas, moi, le voyage. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment le moment où je pense à rien d'autre que profiter de là où je suis. Et je pense que c'est important parce qu'on a déjà assez de soucis dans la vie quotidienne qu'il faut lâcher prise à un moment. Et je pense que le voyage, c'est hyper important de juste se laisser aller, quoi. Se laisser guider par le courant du pays. Exact. Voilà. Courant. Donc on est en podcast engagé en... Non. Oui, non, tu veux dire une nouvelle culture et tout ce que ça... toute la richesse que ça apporte, effectivement. Ok. Oui, du coup, moi... c'était quoi la question déjà? Pourquoi le voyage est important? Parce que le monde est trop grand pour se limiter à sa chambre. Voilà, tout simplement. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses. Même quand tu rencontres quelqu'un dans la même ville que toi, que tu n'as jamais rencontré, en fait, c'est bête, mais tu croises une timeline et une histoire qui rejoint d'autres histoires qui est extrêmement riche, en fait. C'est tout un nouvel univers, c'est des nouvelles façons de penser, c'est tellement de choses, en fait. C'est pour ça que c'est important d'être ouvert d'esprit, de discuter avec les gens et tout. Genre, récemment, j'ai tourné une vidéo promotionnelle pour un service, une interface de gestion pour une société qui fait des matériaux de construction. Et j'ai appris pourquoi il y avait des plaques de plâtre sur les murs. Et en vrai, la façon dont il m'a expliqué ça, pourquoi c'est important, comment est-ce qu'on installe ça, quelles sont les mesures à respecter, et tout ça, je me suis dit, waouh, en fait, on se rend pas compte parce que bah, quand t'es dans ton salon, miskine, tu vois que les murs, en fait, tu vois. Et en fait, il y a tout un savoir-faire, y a tout ça a été pensé, amélioré, et c'est incroyable, en fait. Ouais. Et c'est dommage de se limiter à la culture qu'on peut trouver dans sa chambre, tu vois. Quand bien même on a Internet et qu'aujourd'hui on a accès à tout, en fait, le voir de ses yeux et en parler avec des gens, c'est quand même une expérience différente. Surtout des gens passionnés. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que discuter avec des gens passionnés, c'est quand même formidable. C'est incroyable. Tu peux ne pas être intéressé par le sujet et tu vas dire clair. Ah ouais. Alors ouais. que récemment, j'ai croisé quelqu'un qui me parlait de son métier qui était la vidéo, enfin plus la communication, mais il faisait beaucoup de vidéos. Et disons qu'il parlait en soufflant. Est-ce que j'avais envie de l'écouter ? Du genre. Ouais, coup, on a retourné une vidéo avec eux hier soir, et voilà. C'est terrible. Est-ce que j'avais envie de l'écouter alors que j'aimais le sujet ? Non. Clair. D'ailleurs, petite astuce à tous les gens qui ont des difficultés à se vendre ou à trouver du travail, croyez en vos projets, parce que si vous n'y croyez pas, personne n'y croira. Donc vraiment, croyez en ce que vous faites, c'est important. C'est vrai. Moi, je vais... Maintenant que je suis content de ce que je fais en tant que designer, quand je vais à un entretien, j'y vais mais vraiment décontracté. C'est incroyable. Mmh. Bah, faut dire que t'as un beau portfolio. Hein. Merci. Pour quelqu'un de ton âge, c'est... Ouais. Bah, c'est justement, c'est en vrai, fait, c'est... les deux, vous êtes super jeunes quand même. Hein. Bah, 23 merci. Ans, vous faites des trucs assez incroyables. Enfin, je tenais à le dire. Je le pose ça là comme ça. Hein. Oh là là, merci. Ah, on se fait saucer, ça fait plaisir. En même temps, c'est vrai qu'on est les meilleurs. Les meilleurs. Ça, j'ai envie de dire, c'est... la monnaie de la pièce a été rendue. C'est exactement. Quoi ? À juste titre. Rendez à César ce qui lui appartenait à la base, qui était à lui. Exact. Voilà. Je l'aurais pas mieux dit, mon ami. Mais ouais, comme quand je vais en entretien, les gens me disent... Enfin, c'est marrant parce que les entretiens que j'ai... Les entretiens que j'ai faits, ça se voyait que les gens étaient un peu choqués de voir ce que je faisais, dans le sens où genre, j'étais hyper jeune et tout. Dans le bon sens, choqué, ouais. Ah ouais, genre, ouais. Mais c'est comme c'est un entretien et qu'ils doivent m'embaucher après, logiquement... Ils appuyaient pas trop fin, ils essayaient de garder une tête un peu genre. Attends, ah, mais ouais, t'es en train de te vanter d'une manière. J'ai jamais vu ça. Non, mais c'est vrai, ça s'est réellement passé comme ça. Non, mais. Et du coup, ça me fait, pendant l'entretien, ça me fait doucement rigoler. Voilà, je me dis, c'est... Enfin, franchement, ça fait trop plaisir de voir quelqu'un qui essaye de garder la face à ce que tu fais en se disant, putain, c'est vraiment pas mal. Alors que lui, il dit juste, ah ouais, ok, faites voir la suite. Non, c'est clair, c'est franchement, clair. Ça fait trop plaisir. C'est clair, c'est clair. Après, il faut dire quand même que, vu que toi, c'est ta passion, tu mets énormément de cœur là-dedans. Ouais. Donc, c'est normal que les résultats soient là. Il y a une théorie, voilà. S'il y a des gens qui veulent travailler dans un truc, il y a une théorie qui dit que. Alors évidemment, c'est un gros chiffre, parce qu'il faut toujours des chiffres, mais on devient expert d'un sujet quand on le pratique 10 000 heures. Et le message de ça, c'est juste qu'il faut persévérer et continuer à faire les choses, en fait. Parce que forcément, on ne peut pas devenir bon du jour au lendemain, ça demande du temps. Donc voilà. D'ailleurs, on avait envie de parler aussi de YouTube, de création amateur, tout ça, mais ce sera pour un autre podcast, du coup. Ouais, surtout que là, il y a des crêpes qui nous attendent. Exactement, on commence à être long. Du coup, on va conclure juste très, très rapidement sur pourquoi le voyage, c'est important. Parce qu'il n'y a pas de raison particulière, en fait. Il faut juste comprendre qu'une personne, c'est énormément d'idées, de vision, de culture. Alors imaginez juste vous connecter à une autre personne qui est dans un pays totalement différent, où l'état d'esprit est complètement différent, où la culture est différente, où tout est différent. Ça va vous enrichir énormément. Au lieu d'acheter le dernier iPhone, voyagez avec cet argent. Exactement, mais voilà. Enfin, après, c'est peut-être pas votre priorité le voyage, mais même si c'est pas votre priorité, essayez d'y penser, parce qu'en plus on peut voyager vraiment pas cher aujourd'hui. Ouais. Par exemple, franchement, c'est abusé. Est-ce que t'as été choqué récemment par un prix de voyage ? Ben là, franchement, pour Amsterdam, j'ai réservé il y a à peine 2 semaines et je pars dans 1 mois, donc c'est un peu en dernière minute entre guillemets. Et aller-retour, j'ai payé, je crois, 50 euros l'avion. Oh, donc vraiment, c'est peu cher, c'est, on va pas se mentir, 50 euros l'avion. Et l'hôtel, j'ai payé, je crois, 90 balles 3 nuits. Ok. Dans un hôtel qui est vraiment plutôt, alors, plutôt beau gosse, donc plutôt franchement, c'est vraiment... Machala. Dès que ce podcast est coupé, tu vas me donner ta technique. Non, j'avoue, même pour Londres, nous, on part pour 20 euros aller-retour, ça ? 20 euros aller-retour. Voilà, c'est en avion, depuis Strasbourg, donc franchement... Donc on a à faire à peine 5 km, on est dans l'avion et... Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. Et d'ailleurs, le problème du fait qu'on ne fasse pas assez de choses... Est-ce que c'est français ? Alors, oui. Non, finalement, non, je suis pas sûr. Peut-être. Non. Le problème qui fait qu'on n'ose pas faire assez de choses, c'est qu'on se crée des excuses pour rien, en fait. Et ces excuses, elles sont totalement arbitraires, elles sont dans notre tête, on n'essaie pas le bon moment, j'ai pas assez d'argent. Grave. Ouais, ça, bullshit. Par contre, moi, pour créer une chaîne YouTube, j'ai des vrais problèmes, par contre. C'est pas des trucs que je me débarrasse après. Non. Après, c'est encore différent. Il y a beaucoup d'autres choses... Mais par exemple, voyager, je trouve que c'est primordial pour un être humain. Ouais. Je veux dire, c'est surtout que plus on va aller dans les années qui arrivent, moins ça va être forcément joli à voir ou facile à faire parce que il y a des gros problèmes qui arrivent là. Donc profitez vraiment. À l'heure actuelle, maintenant, c'est une période fantastique. Genre, on vit l'âge d'or du voyage là. Tout a été découvert, donc vous savez où aller, que faire, machin. Il y a TripAdvisor, il y a tout. Vous pouvez passer. Ça se trouve les 3 meilleurs jours de votre vie. Donc voyagez. Ouais. Franchement, c'est important de voyager, pensez-y. Surtout si vous pouvez le faire avec des potes, ça va vous créer des souvenirs qui vont vous connecter ensemble, inoubliables. Ouais. Alors, on va juste finir. Si tu avais une destination... il est vraiment temps que ce podcast s'arrête. Là, je suis... Une destination de rêve, peut-être ? Je suis en burn-out à l'heure actuelle. Non, si tu avais une destination à laquelle tu avais envie d'aller à l'heure actuelle, ça serait quoi ? Elle est comme ça. Le premier truc qui te vient en France, c'est ça. L'Amérique ? Du Nord, ouais. Ok. Du Sud. T'as plus une ville ou un truc ? Peut-être Los Angeles. Hein. Ouais. Plus que New York. Mm. Parce que... New York, c'est trop building. Ça. Mais j'adorerais aller à New York. Mais quand même un peu plus Los Angeles, on va pas se mentir. Voilà. Toi, Alexia ? Franchement, j'aimerais trop aller en Irlande. Oh oui ! Ouais. Ah. Et peut-être que ça va se faire. Oh, double oui. Hop, un autre spoil. C'est vrai que c'est très joli. Peut-être, c'est pas sûr. Tout ce qui est les pays nordiques qui ont aussi une culture extrêmement riche et qu'on oublie malheureusement trop souvent. Alors qu'il y fait bon vivre. Hein. Quand on s'enseigne sur les stats de bien-être de ses habitants, on se dit que la vie est rose, même s'il pleut. La vie est rose, même si le ciel est gris. Waouh! T'es rappeur ou quoi? La langue française est formidable. C'est quoi ton nom de rappeur déjà? C'est Papy et Crofond. Le premier MC qui a plus de 80 ans. MC La Street. Merci La Street, j'ai envie Merci. De dire. Moi, ce serait le Japon. Non, en vrai, j'ai une folle envie d'y retourner. Mais si je devais choisir un pays autre que ça. Je pense que ça serait vraiment le Canada parce que je pense que ça a l'ambition américaine, c'est-à-dire le fait qu'il faut travailler, qu'il faut faire des projets, qu'il faut avancer. Mais en même temps, on a cette chaleur humaine qui est extrêmement réputée chez les Canadiens et j'ai trop envie de vivre ça en fait. Parce que. Il n'y a que des personnes comme moi là-bas. Ah, pardon. Bah, franchement, je sais pas, mais en tout cas, ils ont l'air vraiment. Très, très accueillant et ça fait plaisir. Surtout dans le monde actuel. Messieurs, dames, on a bien parlé, on a trop parlé. Oh là, beaucoup trop, encore. Mais c'était du plaisir. Oui. Exact. C'était du plaisir. Mais pas autant que ce petit crêpe qui nous attend. Exact. Alexia, un dernier mot. Voyagez, vous deviendrez un humain meilleur. Ouf. Voilà. Belle petite punchline. Vincent, dernier mot. D'ailleurs, je souligne quand même, j'ai dit dernier mot, t'as fait une phrase, mais bon, à part ça. Excusez-moi. Vincent. Tu peux dire une phrase. Tu peux dire une phrase. J'adore les crêpes. Yes. Donc on part. Je suis désolé. Mon cerveau ne pense plus qu'à ça. On part sur de la déception. En fait, j'ai vraiment envie de corroborer. De te quote, comme on dit en français, de te citer. Voilà, voyager, vous deviendrez une meilleure personne. Vous vous enrichirez culturellement. C'est plus important que financièrement. Exactement. Même si l'argent compte énormément, puisque vous pouvez pas voyager sans argent non plus. Il faut quand même une bonne balance, mais les plus beaux souvenirs, ils sont quand même dans la tête, ils sont pas dans le portefeuille. Messieurs et dames, on se quitte là. N'oubliez pas que ce mercredi, ça sort quand ? Ça sort le lundi, on sera le 16, c'est ça, non ? C'est quoi, 12, 15 ? Ouais, le 16. Attends, lundi... surtout, dis mon code de téléphone sans pression. Faudrait avoir ton téléphone pour en faire quelque chose. Il a changé de code. Lundi, on sera le 16, donc mercredi 18, en live, entre 18 et 20 heures. Abonnez-vous au réseau La Bonne Franquette Podcast sur Instagram. Quentin Crepon, Vincent Weigel, Alexia, Alexception YouTube. Si tu veux, je le biperai. Si tu veux, c'est trop gênant, je le biperai. Mais du coup, voilà, abonnez-vous. Tout arrive. N'oubliez pas, on le rappelle, on n'a pas envie de faire de populisme, mais liker, commenter, partager, c'est extrêmement important. Et nous, ça nous fait ultra plaisir. Il y a de plus en plus de monde qui le fait. Donc voilà, nous l'ambition qu'on a avec la bonne franquette, c'est de propager du bon temps et de créer une mini famille. Propager du bon temps, ouais. C'est hyper beau. Voilà, merci. Ouais. C'est hyper beau. Merci, je suis un peu un poète. Poète. Voilà, merci. C'est tout pour moi. Bref, prenez soin de vous. C'est le plus important. Et à la prochaine. Prochaine. Yes, I.